Oui, bonjour, bonjour. Merci, merci d'être rentré. Veuillez me pardonner un peu pour l'embryonomie là, parce que au départ, il était prévu qu'on se retrouvait sur Tétanzambé, Facebook. Bon, je vérifie finalement, il n'y avait personne, donc j'ai invité tout le monde de revenir sur notre chaîne habituelle ici sur YouTube. Je vous en prie, je vous accorde encore un peu du temps, le temps pour vous d'inviter. Merci beaucoup. J'apprécie votre compréhension. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Oh, merci depuis les Antilles, la Guadeloupe, merci, partagez, je vous en prie. Merci, merci beaucoup. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Eh bien, maintenant, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, donc vous aurez désormais l'opportunité de suivre mes lives sur la sensibilisation et l'éducation spirituelle. Merci beaucoup. Bonjour, Rudy. Merci, merci. Merci de vous brancher. Merci. Merci. Une fois de plus, pardonnez-moi, parce que je pensais que on devait se retrouver là-bas sur Facebook, mais je me suis retrouvé tout seul, alors j'ai dit non, j'ai commis une erreur. Parce que les gens sont habitués maintenant ici, pardonnez-moi. Alors le sujet du jour est très très important, chers compatriotes, chers amis, chers frères, chères mères, chers pères, pour tous ceux qui me suivent à travers le monde. Vous avez dû le constater, vous avez dû lire le titre de mon intervention aujourd'hui, où je vais vous entretenir. C'est sûr, un sujet très important. Parce que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, souvent commettent de graves erreurs. Et après, ils se demandent pourquoi ils ont des cauchemars. Après, ils se demandent pourquoi ils sont hantés par des esprits. Après, ils se demandent pourquoi ils ont des accidents, pourquoi ils ne réussissent pas dans leur vie. Donc, c'est pour cela, c'est très important que vous invitiez le maximum de personnes afin de venir suivre et écouter ces enseignements. Je vous en prie, c'est très important. Je vous en prie. Parce que lorsqu'on adhère à une secte, lorsqu'on adhère à une religion, lorsqu'on adhère à une société secrète, il y a des conséquences, malheureusement. Et vous ne le saviez pas. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences de la croix. Comme votre humble serviteur. Ne vous fiez pas aux apparences des habits en or. Ne vous fiez pas aux apparences du gros chapeau sur la tête ou des habits flamboyants en or. Car derrière ceci se cachent beaucoup de mystères, et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je vous en prie, partagez, appelez, invitez. C'est très important. Vous avez déjà l'otique. Merci beaucoup, Saturnin. Merci. Je vous en prie, je fais de mon mieux. L'honneur et la gloire reviennent seulement à Tata Nzambe, car je ne suis qu'un canal d'expression par lequel il s'exprime. Je vous en prie, invitez. Basse. Merci beaucoup. Merci. Donc, le sujet d'aujourd'hui va se concentrer, ou du moins, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Ce sujet m'a préoccupé et me préoccupe jusqu'ici. Et ma préoccupation prendra fin dès que j'aurai fini à vous entretenir pendant au moins une heure ici. Car beaucoup d'entre vous traversent des difficultés. Je parle des difficultés au sein de la famille, au sein des foyers. Voyez-vous, des hommes et des femmes qui ont des difficultés pour des problèmes internes. Et je suis obligé d'intervenir, faire des prières, faire des séances, et ceci, cela. Au niveau du travail. Mais le point le plus important, c'est surtout au niveau des religions, ou des sectes, ou des sociétés secrètes. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est « Comment vous séparer ?»« Comment démissionner ?» Comment, permettez-moi d'utiliser un terme peut-être terre à terre, mais c'est le terme qui va avoir beaucoup plus de sonalité ou encore beaucoup plus d'écho dans votre âme. Donc, divorcer. Comment se séparer ou divorcer avec une secte, une religion ou encore des sociétés secrètes ou encore des loges. C'est un sujet qui est très important et je vous prie donc de suivre avec moi par ma modeste personne. Je vais partager avec vous ma propre expérience. Car votre humble serviteur a été dans plus de 17 loges, de 17 sociétés secrètes, mystiques, magie, sort cérémoniale, noire, appelez comme vous voulez. Et je vous dis, ce n'était pas facile pour moi de s'en débarrasser. Et c'est ainsi que lorsque moi-même, j'ai expérimenté mon chemin, j'ai pris mon bâton de pèlerinage et que j'ai pris mon bois sacré, je me suis initié de manière directe, à nu. Je me suis mis nu face au Dieu créateur de l'univers, Tata Nzambakana. Et c'est ainsi que des révélations m'ont été faites et qu'il fallait que je coupe tous les liens, que je coupe tout lien qui m'est lié avec tous ces milieux. Alors je vais partager avec vous comment j'ai fait, et je vais partager avec vous les hésitations que j'ai eues à me séparer de quelques-uns. Parce qu'il y a un problème de fraternité, parce qu'il y a les avantages, il y a l'argent, il y a les avantages, bien sûr, c'est-à-dire on peut me donner de grandes positions sans avoir nécessairement le diplôme requis. On peut m'ouvrir des portes. Mais je vous dis que cette crainte de perdre ces privilèges m'a plutôt rendu plus de mal que de bien. Et je vais partager avec vous ces expériences. Donc, ce sujet est très approprié parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui jusqu'ici sont en train de lutter, qui ont des difficultés pour pouvoir s'en débarrasser, n'est-ce pas, de se séparer, si vous voulez, de la secte ou de la société secrète ou de la loge. Écoutez, mon conseil ici, mes conseils ou mes enseignements ne sont pas ici basés sur le fait de vouloir vous demander à abandonner les milieux dans lesquels vous êtes. Je ne vous ai pas demandé. Mais je viens seulement vous dire la procédure lorsque vous allez décider de quitter ce milieu. Donc, j'ai décidé de parler de ce sujet. Je veux parler de comment se séparer, comment démissionner. Comment libérer votre âme? C'est une expression que je vais utiliser au cours de ma présentation. Et ensuite, certains connaissent sûrement la procédure comment démissionner du travail. Et le sujet qui va nous intéresser le plus, c'est comment libérer votre âme. Et je rentrais dans le développement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre âme, quelque part, est embrigadée. Ça veut dire que, quelque part, votre esprit est en contrat. Oh, ça bug là-bas, je ne sais pas. Bon, Akiba, Crépin, confirmez, est-ce que ça bug chez vous? Parce qu'il y a l'un des compatriotes qui se plaint que ça bug là. Hein? C'est là même l'une des raisons pour lesquelles je suis parti de Facebook là, parce que ça commençait à bugger trop. Confirmez-moi. Ok, Akiba, ok. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Et à la fin, je vais tirer la conclusion. Vous serez très surpris que vivre seul, c'est mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire vivre seul ici dans le cadre de ne pas appartenir à des sectes, ne pas appartenir à ces religions à gauche et à droite. Ok? Bon, Raïssa, pourquoi ça bug là-bas? Et ceux qui sont à Libreville, ça marche bien. Ceux qui sont en France, ça marche bien. Bon, je crois que Raïssa doit être dans un autre pays africain là, je ne sais pas. Ça doit être avec le réseau local, maman. Hein? Ça doit être le réseau local là-bas au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Mais au Gabon, me signale que ça passe bien. En France, ça passe bien. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Donc, disais-je, la séparation ou la démission ou le divorce, ce sont des étapes dans la vie. Une fois on est engagé dans une relation humaine, relation sectaire, relation religieuse, c'est un grand moment dans votre vie. Parce que prendre cette décision d'emboîter le pas, prendre cette grande décision de quitter une société où vous gagnez bien votre vie. Je vais vous raconter ma propre expérience. J'ai travaillé à la Shell Gabon. J'étais technicien supérieur, contremaître, chargé des chargements pétroliers à Shell Oil. Mon net à payer, j'arrondissais en dehors des heures supplémentaires, j'étais autour de 1,5 million. Mais quand j'ajoutais les heures supplémentaires, j'arrivais à plus de 2 millions. Donc, je vous dis, je menais une bonne vie. Ah oui, la preuve en est que c'est pas que je viens d'inventer mes biens ici. Il y a ceux qui me suivent et qui me connaissent. À Gamba, j'ai laissé une grande maison, un grand terrain. À Port-Gentil, j'ai laissé une maison. À Libreville, pareillement. Donc, pour le peu de temps que je fais à Shell, je vous dis, j'ai gagné bien ma vie. Mais c'était difficile pour moi. Face à certaines difficultés internes, face à la situation morose du pays, et également, j'avais reçu la révélation des génies. Ils m'ont dit, mon petit, ne suis pas les apparences. Tu gagnes bien ta vie, tu gagnes des millions, tu vis dans une belle maison de technicien supérieur ici à Gamba, tu as été élu, même conseiller municipal, l'un des adjoints au maire, c'est bien beau. Mais tout ça, ce ne sont que les apparences. Il faut regarder derrière. Voici ce qui se cache derrière. Il n'y aura plus d'avenir pour cette société Shell. Alors, c'est un collègue. Quand je suis allé leur dire ça, ils m'ont dit, mais monsieur, on nous vient, vous perdez la boule. Vous êtes devenu fou. Ok? Ben, je vous dis aujourd'hui, beaucoup de collègues m'appellent de sorcier, mais ils sont fatigués. Ils m'appellent plus sorcier, ils disent, oui, tu es un grand maître, vraiment, on te respecte. Car j'avais prévu la chute de Shell Oil. Et j'avais prévu que Shell Oil, la société hollandaise, la Dutch, qui exerçait au Gabon, il n'y avait plus d'avenir pour moi et qu'il était temps pour moi de démissionner. Je vous dis, les gens m'ont pris de fou. Mais j'ai pris mon courage en main. Ils ont fait leur calcul, 32 mois multipliés par mon salaire de base et les autres avantages à gauche et à droite. Gloire à Dieu, je me suis retrouvé avec 53 millions de francs CFA. Avec ces 53 millions, j'ai utilisé la sagesse. Mon épouse est témoin. Là, elle est au travail, mais elle suit toujours mes vidéos là. Mes enfants qui sont restés au Gabon me sont témoins. Alors, avec ces 53 millions, je n'ai pas hésité. J'ai investi dans l'immobilier une partie. Voyez-vous, je me suis marié légalement, enfin à la mairie, parce que je suis marié à la coutume. Et ainsi, j'avais un plan pour venir ici aux États-Unis. Les 53 millions m'ont permis donc de payer une maison qui était une vieille maison, qui était en dur, que j'ai dû retaper. Bon, ceux qui sont pour rentrer connaissent. Cette maison se trouve sur la petite route de la mosquée. Elle est là. On l'appelle la Villa Rose. Donc, j'ai mis dessus 43 ou 44 millions d'investissements. Et le reste, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Et je suis venu ici aux États-Unis. Prendre cette décision n'était pas facile. Ça fait l'objet de moqueries. J'ai des collègues qui se moquent de moi. Monsieur Nouvier, vous êtes fou? Vous allez être bientôt cadre supérieur, Rachel Gabon. Vous maîtrisez l'anglais. Vous maîtrisez votre métier. Oh, vous êtes le seul Gabonais, contremaître, loading master, en s'occupant des pétroliers. Ceux qui sont à Shell Gamba peuvent me témoigner. Mais maintenant, vous allez abandonner le boulot. Vous êtes fou? Mais vous, avec votre rêve américain, là, en temps, parce qu'en 99, j'avais fait un voyage de prospection au Texas, à Dallas. Et c'est de là que j'avais également eu mon initiation dans la loge maçonnique américaine. Et on en reviendra. C'était en 1999. Donc, la décision que j'ai prise de démissionner de Shell Gabon, où j'ai gagné jusqu'à près de 3 millions, les gens m'ont pris de fou. Je vous dis, mais j'ai pris mon courage à main. J'ai pris mon bic. J'ai écrit ma démission. Tout comme j'avais fait une demande d'emploi auprès de la société Shell Oil, alors, puisqu'il était temps pour moi de sortir de cette société, j'ai fait ma lettre de démission. J'ai demandé conseil à gauche et à droite. La majorité des gens m'ont dit, oh, on oublie, Watani, je nous ai dit, mais tu es devenu fou. Mais à chaque fois que les gens me le disaient, j'avais la paix de l'esprit. J'avais ma paix intérieure. Mais ça voulait dire quoi? Qu'en fait, je devais rester avec l'esprit calme et suivre mon destin. Ainsi, je me suis retrouvé ici. Est-ce que les débuts ont été faciles? Non! J'ai dû reprendre la vie à zéro. L'anglais américain ici, c'est différent de l'anglais que je parlais là-bas. Et tout le monde peut m'en témoigner. J'étais obligé de refaire des cours à l'université, de NYU, New York University, Manhattan, non loin de Central Park. Ceux qui sont à New York connaissent cette grande université. Faire des cours d'anglais, intense. Et ensuite, je suis descendu en Pennsylvanie. Ensuite, je suis parti à gauche et à droite, jusqu'en Floride. Et je me suis installé à Ohio. Et un pied également à Montana, où je fais mes études. Donc, c'est pour vous dire, les débuts n'ont pas été faciles. Car je me rappelle mon premier salaire. Et à cause de la décision que j'ai prise de démissionner de Shell, où je gagnais près de 2 à 3 millions par mois. Je suis tombé à zéro où mon premier salaire ici était de 500 000 francs par mois, 1000 dollars. J'étais marmiton, donc je lavais les marmites. Et après, 2 ans plus tard, j'ai décidé d'aller au college, community college. Community college ici, c'est comme une université, dont l'équivalent va jusqu'à la licence. Je suis allé. J'ai demandé de l'emploi quelque part. Ils m'ont dit non, mais comme toi, tu ne connais pas grand-chose sur la soudure hydraulique, on va t'envoyer à college. Et je suis allé, j'ai eu mon diplôme. An associate degree in a MIG welding. Donc, c'est la soudure automatique. Différent du TIG welding. Le TIG welding, c'est la soudure avec tige. S'il y a des soudeurs qui me suivent, ils doivent me comprendre. Et ainsi, mes frères, pour vous faire brièvement mon parcours là, que les conséquences, quand on démissionne, il faut s'y préparer l'avenir. Et après, je suis monté maintenant à 1 million et quelques. J'ai commencé à reprendre ma vie. Et après, je suis allé à l'école. Et je suis allé apprendre ce que je fais aujourd'hui. Donc, faire la psychologie et la psychiatrie. Et là, et faire ma combinaison de la psychothérapie. Et être où je suis. Et ce n'est pas encore fini. Je continue. Parce que je suis un aventurier. J'aime apprendre. Donc, c'est pour vous dire quoi? Prendre une décision de démissionner n'est pas facile. Car derrière cette décision se cache vont, comment dire, il y a des conséquences qui peuvent être soit néfastes ou bénéfiques. J'ai commencé à mon introduction par vous raconter mon histoire propre. Ceux qui sont au Gabon peuvent témoigner. Je travaillais à Shell, j'étais technicien supérieur. C'est moi qui me chargeais des pétroliers de Shell Gabon. Quand les pétroliers venaient, avant de les emmener sur la côte gabonaise, nous partions avec la pilotine. La pilotine, c'est un petit bateau que nous conduisions. Et j'ai ma licence, j'ai mon permis. Et on partait là-bas avec le blanc. J'étais, à ce niveau, j'étais le seul Gabonais à Shell. Les Shellois sont là, ils peuvent me témoigner si je mens. Jean-Claude Ogula, s'il vit encore, il est là, il travaille à Shell. Donc c'était les gars qui travaillaient avec moi. Donc, j'avais une belle vie. Les gars me donnaient des gros poissons quand je venais de là-bas. À Gamba, on me respectait et tout ça. Mais j'avais dit que l'avenir de Shell n'est pas clair. Et 15 ans plus tard, où est-ce que nous en sommes? L'année dernière, vous êtes au courant. Shell Oil, Shell Deutsche a fermé les portes, a mis les clés sous le paillasson. Aujourd'hui, où je vous parle, Shell a été racheté par Assala. Vérifiez les informations au Gabon. Mais cette vision, je l'ai eue en 2002, lorsque j'ai démissionné. En 2002, c'est la date à laquelle je suis parti officiellement du Gabon. Et j'ai démissionné. Mais en 99, 2001, je venais de temps en temps ici. Et c'est ainsi en 2002. Et quand vous calculez, 2001, autant pour moi, de 2001 jusqu'en 2018, ça fait combien d'années? 17 ans. Ou 16 ans. Et Shell, les négociations entre le gouvernement gabonais et la société Shell ont commencé en 2015. Ça commençait déjà à boitiller. Officiellement, Shell est parti du Gabon en 2016, fin 2016, début 2017. Et vous êtes au courant? Aujourd'hui, je vous dis, ces collègues-là sont aux abois parce que les bénéfices que Shell Oil donnait aux gens, votre humble serviteur en a bénéficié. On vous donne des prêts de véhicules jusqu'à 20 millions, 30, 40 millions, ça dépend de votre catégorie. On vous donne des prêts logements et toutes ces histoires-là. On vous donne des trucs, on vous paye les études pour que vos enfants puissent bénéficier des bourses. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce qu'il y a Assala. Assala est récupéré. Donc, c'est pour vous dire que quand vous prenez une décision, elle doit être une décision qui est animée d'une vision et une vision inspirée par les esprits. Une vision inspirée par Dieu pour ceux qui prient, qui vont dans les églises. Donc, faites très attention quand vous faites une décision. Bref, ma décision, je ne la regrette pas. Aujourd'hui, je vis heureux. Je ne suis pas milliardaire. Mais je vis heureux. Il ne me manque de rien. Voilà ce que je peux dire. Et j'ai la paix de l'esprit. Je peux dire ce que je pense. Quand il s'agit de politique, vous suivez mes autres vidéos là-bas. Je peux faire mes enseignements comme je le fais. Si j'étais au Gabon, personne ne pourrait m'autoriser de faire ce que je fais là. Donc c'est pour vous dire que derrière toute décision se cache des bénéfices ou des conséquences. Alors qu'est-ce que c'est se séparer ou de divorcer? Quand on démissionne dans une société, naturellement, vous connaissez la procédure à suivre. Vous écrivez votre lettre de démission, mais vous en discutez d'abord avec votre famille. Parce que c'est une décision difficile. J'ai suivi tout à l'heure là, quelqu'un qui me dit, oui, c'est pas une décision facile à prendre. Moi, mon cas, mais mon Dieu, j'avais déjà 4 enfants. C'était pas facile. Et quelques enfants sont encore au pays. C'est pas facile. Donc, vous devez penser aux conséquences de l'acte que vous allez poser. Vous devez donc vous entendre en famille. Et quand je parle de famille, je ne parle pas des parents. Même les amis, il faut éviter. Ce n'est pas n'importe quel ami, il faut en parler. C'est des conseils pratiques que vous devez garder aujourd'hui, chers frères et sœurs qui me suivez. Donc, discutez-en si vous êtes mariés. Monsieur et madame, asseyez-vous. Soyez sur le même diapason. Soyez sur la même ligne, sur la même longueur d'onde. Et partagez-en. Voir les conséquences, voir le bénéfice. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont les prochaines étapes évolutives? Qu'est-ce qui vous amène à démissionner? Vous faites la liste. On appelle ça en anglais de checklist. You know? The pros and the cons. C'est comme ça qu'on appelle ça ici en Amérique. The pros and the cons. Donc, les avantages et les désavantages ou les inconvénients. Vous faites la liste sur votre... Vous écrivez démission. Avantages, inconvénients ou plan prospective ou objectif. et vous discutez ça avec votre épouse ou votre époux. C'est très important. Voilà comment ça se passe pour la démission. Et une fois vous avez vu, vous avez revu votre checklist sur les pros and cons, en anglais, pardonnez-moi, c'est le mot que je connais, mais je ne sais pas en français. Donc, une fois que vous avez fait ces pros and cons ensemble, donc le côté positif et négatif de votre décision, et par rapport aux avantages et les objectifs que vous voulez atteindre, alors, vous prenez, si vous êtes religieux, vous rentrez dans une prière pour écouter maintenant, comment dirais-je, le signal du Dieu suprême. Est-ce que votre décision ne va pas empiéter votre avenir? Donc, vous rentrez dans une prière méditative, pour ceux qui sont initiés naturellement. Donc, quand vous rentrez dans cette prière méditative, consultative, dirais-je, vous demandez à Nzambakana, le Dieu suprême, de vous bénir et de vous aider dans cette décision que vous allez prendre. Et car vous ne vous n'aimeriez pas voir votre famille souffrir et en pâtir dans cette, face à cette décision que vous allez prendre. Donc, c'est ainsi, vous demandez cela. Je vous dis que si vous êtes un homme dévoué à la prière, si vous êtes un homme vraiment, comment dirais-je, très fidèle à votre Dieu, quel que soit l'égrégore que vous appartenez, ils vont vous donner une réponse. Vous allez sentir une paix intérieure qui vous inonde. Et une fois, vous sentez cette paix intérieure qui vous inonde, en ce moment, vous prenez votre bic et vous écrivez votre lettre de démission. Je ne vais pas vous dire comment écrire une lettre de démission, tout le monde le sait. Et vous allez déposer la lettre auprès de qui de droit. Ils vont la recevoir. Et naturellement, si vous étiez un bon employé, bon, ce fut mon cas, moi, il y a eu des rejets, les gens n'ont pas voulu. Mais j'ai insisté. Alors, ils vont vous envoyer une confirmation, lettre reçue. Et une fois ils l'ont reçue, vous avez donc le feu vert de partir. Et quand ils vont vous répondre que bon, d'accord, vous connaissez la loi, on vous donne 2 ou 3 semaines ou 1 mois de préavis. Donc vous faites votre préavis. Ça, c'est la procédure dans le cadre du travail. Donc pendant que vous faites votre préavis, bon, on va vous dire ce que vous devez restituer à la société. Donc, tous vos outils de travail, si vous aviez, pour mon cas, moi, quand j'étais inspecteur de pétrole, bon, on avait des ordinateurs portables et tout ça. Bon, pour le cas d'échelle, en dehors du badge, hein, il y a certains documents également confidentiels, puisque j'avais accès aux ordinateurs de la société Shell. Donc, les mots de passe et tout ça avait été annulé, tout cela, les clés d'information qui vous donnent accès à l'ordinateur, tout ça, vous les restituez à la société parce que ce sont des outils de travail qui vous liaient à l'entité de la société. Parce que n'oubliez pas qu'une société dans laquelle, à laquelle vous travaillez, vous apparteniez, est une entité également. Vous aviez travaillé là pour même 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans, je ne sais pas trop, mais votre âme, votre esprit a contribué à l'évolution de cette société, a contribué au succès de cette société. Par conséquent, donc, vous êtes membre indirect de cette société et vous êtes légalement un logiciel dans le plan invisible de cette société. Donc, par conséquent, tous les outils de travail, vous devez les restituer. Vous rendez ces outils de travail. Tout ce qui leur appartenait, vous leur donnez. Et enfin, après votre préavis, après que vous eussiez, comment dirais-je, que vous restituiez tout ce qui leur appartenait, vous êtes libre de partir. Ça, c'est dans le cadre du travail. Et quand vous partez, vous avez votre conscience tranquille. Vous n'aurez plus à vous inquiéter. « Oh, mais j'ai amené la clé. Oh, mais j'ai amené ceci. » Non. Parce que pendant la période de, comment dirais-je, de préavis que vous avez donné à la société, durant cette période-là, en anglais, on appelle ça « the notice period ». Donc, durant cette période, vous avez, au fur et à mesure, vous restituez tout ce qui leur appartient. Parce qu'ils vont faire un inventaire sur tous les outils et matériaux de travail qui vous ont été, comment dirais-je, qui vous ont donné lorsque vous avez commencé le travail. Une fois donc tout ceci est fait, vous êtes libre de partir. Ça, c'est dans le cadre du travail. Deuxième exemple, c'est le cadre du mariage. Savez-vous que le mariage également est un contrat? Savez-vous également que le mariage, vos âmes ou votre âme est liée à l'âme de l'autre dans le plan astral? Et que par conséquent, vous ne pouvez pas unilatéralement, un bon matin, vous réveillez, moi je vais divorcer, je ne veux plus entendre parler du mariage. Non, c'est le même cadre. Et j'ai oublié de vous dire que pour le cadre du travail, il y a sûrement des raisons qui vous ont motivé à démissionner. Il y a des raisons qui vous motivent de démissionner de cette société. Soit pour des raisons personnelles, soit il y a des opportunités. Moi, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai changé près de 2 ou 3 sociétés avant d'être finalement fonctionnaire, de travailler pour le gouvernement local de l'État où je vis. Je suis passé par plusieurs compagnies, des soudeurs, de chefs d'équipe, superviseurs à une société là qui vend les grandes marques de chaussures du monde, hein? Tout ça là, jusqu'à être même chauffeur Uber, tout, jusqu'à partout. Et enfin, je fais ma demande, je fais mon concours pour être là où je suis, travailler pour au département, Ohio Department of Mental Health. Donc c'est pour vous dire que le cadre du mariage, quand vous démissionnez, je veux dire, quand vous divorcez, ce n'est pas une action unilatérale. Non. Pour le cas du travail, il y a des raisons qui vous en font partie. Moi, il y a eu des raisons pour lesquelles je suis parti d'une société à une autre. Parce que dans ma tête, je me disais, mais mon Dieu, j'ai démissionné de Shell où j'ai gagné près de 3 millions et je vais continuer à faire des petits boulots, me paye 10 dollars, 15 dollars, ça et là, c'est quoi cette affaire-là? Et j'ai quand même des diplômes. Donc, j'avais un objectif. Voyez-vous, c'est pour cela que je partais de société en société. Mon objectif était d'être fonctionnaire, de garder quand même mon orgueil et dire que ah, je suis venu aux États-Unis, demain, après-demain, là, je vais repartir au Gabon avec le petit boulot là, sans une retraite sûre. Comment je vais faire? Hey, j'ai déjà plus de 50 ans, on fait comment? Alors, par la grâce de Dieu, avant l'âge de 50 ans, j'ai pu avoir ce truc-là au niveau de la fonction publique où je travaille. Donc, au Ohio Department of Mental Health. Donc, le département de la santé mais mentale ou quoi, je ne sais pas comment appeler. C'est un peu l'équivalent de l'hôpital pédiatrique, on appelle ça, le psychiatrique de Mélène, un peu l'équivalent. Voyez-vous? Donc, il y a eu des raisons. Dans le mariage, c'est pareil. Vous ne pouvez pas décider de divorcer comme ça seulement parce que vous avez eu un petit copain ou bien parce que vous avez une petite nana là, une petite qui vous fait rêver, qui vous bouge les machins, le cœur. Non, ça doit être des raisons valables. Donc, la même procédure dans le cadre du mariage. Et je vais vous dire que je fais étape par étape. La séparation d'un homme avec sa société, elle est de moindre conséquence. Mais ici, aux États-Unis, hein, quand vous démissionnez, c'est bon. Mais si c'est mais bon, moi, je parle parce que là, je suis fonctionnaire. Vous êtes, par exemple, moi, je travaille pour le gouvernement local. Si je décide d'aller travailler pour le gouvernement local d'un autre État, par exemple, en Montana, où j'ai un petit boulot part-time, alors, ils mènent des enquêtes. Le gouvernement d'ici, si je décide, si je commets une erreur, bon, le gouvernement d'ici va envoyer une lettre en disant « Ce monsieur, c'est un voyou, c'est un bandit, nous ne vous le recommandons pas. » Et je vous jure que jusqu'à la fin de votre vie, aucun État ne va vous embaucher. Jamais. C'est comme ça que le gouvernement américain marche. Moi, je ne sais pas comment ça se passe au Gabon. Hein. Je n'ai jamais travaillé pour l'État. Donc, vraiment, ils sont très stricts. Bon, mais par contre, le privé, c'est différent. Le privé, ici, ils s'en foutent. Bon, le mec, il c'est un voyou, machin, laissez-le partir. Ils sont même gentils de vous faire un départ négocié. Et c'est souvent même pour le cas des États ici. Donc, les différents États, ils ne sont pas trop méchants. Parce que je connais un ami, originaire des Bahamas. Le gars avait un bon boulot, mais sauf qu'on l'a surpris avec le téléphone au travail. Or, le gouvernement américain, que ce soit au niveau fédéral ou local, hein, il ne blague pas avec l'affaire de téléphone. Donc, il a été saisi. Le superviseur lui a fait signer un papier. Après, bon, on a dit, écoutez, on a demandé, ils ont mené des enquêtes. Tous là, les collègues, on a dit, mais non, le gars, c'est un bon bosseur. C'est même lui qui m'avait formé. Vous ne pouvez pas quand même, un père de famille et tout. Bon, la superviseur a dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, ce que nous allons faire, on va lui faire un départ négocié. Ils appellent ça, ils encouragent la personne, en fait, ils poussent la personne à démissionner, au lieu que ce soit l'État qui le vire. Parce que si c'est l'État qui le vire, il n'aura plus de travail partout. Alors, il a eu la grâce que l'État de l'Ohio a dit, bon, écoutez, vous, on vous ouvre la porte, il faut partir. Donc, le gars a fait sa lettre de démission. Et c'est ainsi que quand il est parti à l'État de l'Arizona, là-bas, mais il gagne 2 fois ce qu'il gagne ici. Il a eu la grâce et l'État de l'Arizona a appelé l'État de l'Ohio, dit, ben écoutez, est-ce que ce type-là, vous le connaissez? Ah oui, il travaillait pour nous et tout. Ah bon, ben est-ce qu'il est bon? Ah oui, il n'y a pas de problème. Je vous jure que le même jour, le gars n'a même pas fait des interviews de 1001 chemins. Automatiquement, à cause de son expérience, on l'a embauché. Aujourd'hui, le gars n'a pas moins de 55 à 60 dollars l'heure. Donc, c'est pour vous dire que votre réputation peut vous poursuivre partout, partout. Bon, maintenant, je parle du cas du mariage. Pardonnez-moi, j'étais un peu trop long dans ces histoires de travail. Le mariage, donc, quand vous voulez divorcer, vous asseyez parce que c'est une décision difficile à prendre. Il y a sûrement des raisons derrière votre... il y a probablement des raisons qui vous poussent à vouloir divorcer. Vous constatez que votre relation ne marche pas. Monsieur et madame, ça ne va pas. Vous êtes passé par 1001, je ne sais pas, au Gabon, c'est pas ça, c'est comment ça se passe, mais ici aux États-Unis, on vous donne beaucoup d'opportunités pour sauver votre mariage. Vous passez par les conseils de l'église, sur partez à l'église. Vous passez par les conseils privés. Vous voyez les gens comme nous autres, les psychothérapeutes. Ils vont faire des consultations, ils vont vous donner de la rééducation dans votre sein de votre mariage. Comment communiquer, où il y a des problèmes, ça ne va pas. On vous donne toute cette chaîne d'informations si vous voulez profiter pour voir sauver votre mariage. Mais moi, j'ai vu des gens s'entêter, ils niettent. Vous pouvez me donner tout ça, moi, je m'en fous. On vous propose même des conseils. Ils disent, même conseil matrimonial, voilà, on les appelle. Rien. Donc, si ça arrive à ce point-là, vous discutez avec votre épouse, vous faites asseoir les enfants. Bon, les enfants, vous-même, vous avez vu l'ambiance ici avec madame, ça ne marche pas. Donc, votre maman, je l'aime bien, mais regardez. Les enfants disent, oh, maman, c'est comment nous, on ne peut pas, on est déjà des grands-enfants, ça se passe comment, non? Moi, votre père, c'est un bandit, ceci, cela. Bon, bref, évitez que ce soit trop dramatique. Alors, si vous ne vous entendez pas, s'il n'y a pas des améliorations sur les fautes commises ou sur les erreurs au cours de votre parcours marital ou au cours de votre mariage, si ça ne marche pas, à quoi vous forcer? Et ça, je porte conseil à nos mamans. Parce que souvent, ce sont nos mamans qui s'entêtent trop. Oh, vous voyez que ça ne marche pas? Oh non, quand même, on a des enfants. Moi, je suis habitué à ce type. Comment? Je vais devenir comment? Arrêtez-moi ça. Qui vous a dit que vous allez être malheureuse? Et c'est comme ça que vous faites du mal à vous-même. Et j'ai même vu certains hommes jusqu'à aller se tuer parce que la femme est allée coucher avec un autre homme. Qu'est-ce qui vous arrive? Les émotions vous sont maintenant au-dessus de votre esprit. Bref, nous n'en sommes pas là. Donc, moi, je vais vous seulement parler de comment divorcer. Donc, la procédure, elle est simple. Avant le divorce, généralement, les gens font ce qu'on appelle la séparation. La séparation est un moyen ou un sauvetage pour pouvoir sauver votre mariage. Pour voir dans quelles circonstances, peut-être il y aura un changement quand même, ou des improvement, how do you call it in French, qu'il y aurait peut-être des améliorations au cours de cette relation. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Alors, la deuxième étape va être le divorce. Mais beaucoup vont directement au divorce, ils ne passent pas par la séparation. Bon, maintenant, vous faites donc votre demande de divorce. Hein? Vous partez auprès des autorités compétentes, vous demandez le fichier. Nous ici, on le fait online. C'est facile. La même minute, là, tu le fais, tu vas sur l'ordinateur. Voilà, demande de divorce. C'est combien? Oh, vous payez, ça dépend. Si vous n'avez pas d'enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, vous payez 172 dollars. Donc, ça, c'est l'état d'Ohio. Tu payes tes 172 dollars online. Et puis, terminé. Et puis, bourre, carte de crédit. Bon, tu payes. Et le lendemain, on va te dire, bon, l'affaire est reçue. Trois mois plus tard, ils appellent ça le décret. Voilà. Le décret de divorce sort. Yo, the divorce decree. Donc ça sort, ça veut dire, oh, par décret, le juge, le machin, tout le monde a décidé que monsieur X est lié à X, machin. Voilà, le divorce est prononcé. Et vous prenez ce décret, vous avez jusqu'à 6 mois avant de vous remarier. Voilà comment ça se passe aux États-Unis. Bon, moi, je ne sais pas comment ça se passe au Gabon là-bas. Donc, en fait, vous faites votre demande. Et quand vous faites votre demande, vous vous rassurez qu'en matière de biens, des biens communs, tout ce qu'il y a. Vous vous rassurez que vous vous déchargez de tout. Que votre conscience doit partir la tête reposée. Si vous ne le faites pas, je vous jure que vous ne serez jamais tranquille. Vous n'aurez jamais la paix de l'esprit. Donc, vous partez, vous avez fait votre démission, comment dirais-je, le divorce. Le juge va vous appeler pour signer. Le monsieur, le demandeur signe. Et parfois, l'épouse, les deux côtés s'entendent, ils signent. Ça, il peut y avoir un divorce qu'on appelle un divorce consentant. Les choses ne marchent pas, il y a un problème d'humeur, et puis vous faites votre divorce. Voyez-vous? Donc, tous les éléments qui étaient liés au divorce, là, vous devez vous en séparer. Le certificat de mariage, ça, c'est après que le divorce soit prononcé. Certificat de mariage. Les alliances. Tout qui vous lie à ce mariage-là, vous devez les détruire. Mais ceci, d'abord, le divorce, le papier doit d'abord vous donner raison que, voilà, le divorce est accepté. Une fois le divorce est prononcé, tout ce que vous aviez, bon, je sais même que pendant les périodes de turbulence, ou de séparation, ou de disputes, je vois, il y a certains couples même, ils ne portent même plus la bague. Ils ont des raisons, non, moi je travaille dans un laboratoire, moi la bague là risque de se gaspiller. Ou bien ils ont honte de porter ça parce que, ah, les petites nanas là vont découvrir que je suis un homme marié, donc moi je ne veux pas que les gens voient ça. Ou bien, oh, les copains là qui m'aiment, moi je suis une belle femme, et moi je ne veux pas que les gens découvrent. Bref, il y a mille et une raisons. Mais la raison fondamentale, je veux dire, les alliances que vous avez, une fois le divorce prononcé, vous pouvez maintenant, ça c'est la dernière étape, prendre toutes ces alliances là, le certificat de mariage, tout papier lié avec votre vie, et même les robes de mariage si possible, les costumes de mariage, les photos de mariage, tout ce qui était souvenir de ce mariage, je vous en prie. Il n'est pas question que vous les gardiez. Ça, c'est très important. Tout ce qui vous liait à ce mariage, vous devez les détruire. Parce que le divorce veut dire séparation définitive. Divorce veut dire les âmes, vos esprits ne sont plus ensemble. Mais si vos esprits ne sont plus ensemble, à quoi cela sert de garder encore des photos? À quoi cela sert de garder encore des alliances? À quoi cela sert de garder les souvenirs? Tout ça, il faut s'en débarrasser. Voilà comment normalement un divorce se fait. Mais moi, j'ai vu des gens, ça c'est la photo de mon ex, oh. Tu as vu? Ça c'est la photo de mon mari, hein? Vraiment, on avait une belle vie. Hein? Bon, si vous voulez continuer à garder ces mémoires qui vont continuer à vous ronger l'esprit, au point d'être tenté d'aller encore repartir, machin. Enfin, il n'y a aucun mal à cela. Mais moi, j'ai vu des cas comme ça. Donc, divorce veut dire disparition de tous les dix machins. Oh non, on ne brûle pas les enfants. Qui parle des enfants? Bon, voilà. Pour les enfants, naturellement, ici, on parle de... maintenant, la décision doit être prise. Si les enfants sont âgés de moins de 18 ans, bon, la personne qui est... Ça dépend de qui a tort, qui a raison. Si c'est la femme qui a tort. Moi, j'ai vu une femme qui paye... on appelle ça comment là-bas en France? Moi, je ne sais pas. Nous, on appelle ça ici des child support. Donc, soit la dame paye cet argent-là, hein? Ou, vous voulez dire regarder les photos pour les enfants? Bon, oui, c'est circonstanciel. Hein? C'est circonstanciel. Bon, si vous avez des enfants, c'est votre choix. Voilà, les allocations familiales ou l'allocation maternelle, je ne sais pas quel mot. Donc, si c'est la femme qui a tort, qui a été attrapée la main dans le sac hein, comme un machin d'adultère ou bien qui a voulu empoisonner l'homme mystiquement, dans ce cas, c'est les réalités du Gabon, alors le juge prendra compte et dira non, vous avez voulu tuer le type. Donc, c'est vous qui êtes condamné à verser des allocations à ce mec. En plus, il n'a pas le travail. Vous êtes ministre. Vous êtes secrétaire général du machin au ministère de ceci. Vous avez plus de moyens. Donc, mais parfois, on ne voit pas les moyens. Parce que vous pouvez être manœuvre. Vous travaillez à la Sobegab ou bien, je ne sais pas trop, là, balayeur de rue. Mais vous avez 150 000 par mois et que la femme gagne des millions. Mais parfois, on peut exiger, si c'est vous qui avez tort, l'homme, si c'est l'homme qui a tort, on vous exigerait de payer les allocations. Ou bien vous faites des arrangements. Ça existe également, des arrangements. Pour le bien des enfants. Naturellement, oui. Bon, les photos peuvent être, pour certains cas, hein, garder les photos pour souvenir à cause des enfants. Bon, écoutez, ça, c'était votre père, hein, ainsi de suite. Mais moi, je parle surtout des photos de mariage. Ça, vous allez garder des photos de mariage. Mais vous allez mettre mal à l'aise votre futur époux. Vous allez mettre mal à l'aise votre future épouse. Elle va voir, vous êtes là, les machins de mariage. C'est les photos là dont je fais allusion ici. Votre album de mariage devait être jeté, brûlé, incendié. Et les alliances, tout ça. Mais par contre, la photo où vous verrez votre ex-mari, Mourion Ouvier, qui est là comme ça, il est tout seul. Bon, ça, ça va. Oh, ça, c'est votre papa. Hein? Oh, vraiment, voilà, c'est lui. Ou bien ça, c'est votre maman. Mais pas de photo où vous êtes vraiment en amoureux ensemble. Voyez-vous? Donc, oui, c'est ça. C'est en fonction, la pension, c'est en fonction de part et d'autre. Donc, là, je parle l'exemple du mariage. Mais nous n'avons pas encore touché le point clé de notre sujet du jour. Donc, c'est pour vous dire que même dans le plan matériel, lorsqu'il s'agit de démissionner, lorsqu'il s'agit de divorcer, il y a des étapes qu'il faut suivre. Car tout lien, que ce soit au niveau du travail, votre âme est liée, votre esprit est lié. Tout lien au niveau du mariage, c'est encore grave. Parce que vos deux âmes sont unies, dans le plan invisible et dans le plan visible. Et de surcroît, vous avez des enfants. Donc, la procédure que je venais de donner, c'est celle-là qu'il faut suivre. Il faut faire les papiers. Vous devez même mettre le divorce. On vous donne les résultats. On vous dit oui, le divorce. Et il peut avoir des oppositions. Je vous ai donné le cas du travail. On peut s'opposer. Et on en reviendra sur le cas des religions également. Il y a des oppositions. Et comment vous devez gérer cette opposition, on en parlera dans le cadre beaucoup plus sectaire. Parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et je vous dirai pourquoi. Parce qu'on a des compatriotes qui ont brûlé les toges des maçons. Mais aujourd'hui, ils sont torturés jour et nuit. Oh, bonjour maman. Bonjour, oh, bonjour, bonjour. Bonjour maman. Ah, bonjour, merci d'être venu. Donc, dans le cadre donc, du divorce, je vous ai dit la procédure à suivre. Pour éviter des traumatismes, hein, pour éviter des traumatismes inutiles, il est recommandé que vous puissiez vous en débarrasser de tout ce qui est souvenir. Il faut tout les détruire et ça passe par le feu. Une fois que vous avez tout détruit, votre conscience est claire, vous allez sentir une paix qui vous embite. Hein? Mais les photos individuelles de la femme ou de l'homme, vous pouvez donner ça aux enfants. Ah, mes enfants, voilà, ça c'est la photo de votre papa. Parce que demain, après, on va demander. Moi, aujourd'hui, mes enfants ont des problèmes. Maman Ida, merci d'être rentrée. Mes enfants aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils ne connaissent plus leur grand-père. Bon, moi, j'avais commis une grave erreur parce que j'ai détruit toutes les photos de papa. Alors là, moi, ça m'embête. Bon, j'ai essayé de discuter avec mon grand frère là, là-bas, l'embaréné. Il m'a dit, oh, il doit voir quand même. Et mon petit frère, autant pour moi, qui est la gendarmerie, il m'a dit, ah, on va voir, je crois avoir quelques vieilles photos. Là, je suis embêté. Pourquoi? Parce que moi, dans l'initiation que j'avais reçue, on m'avait dit que pour éviter des liens avec l'âme de la personne, autant détruire tout ce qui lui appartient. Or, dans les magies indiennes, on m'a dit que les photos, ce sont des moyens de support qui peuvent vous permettre de communiquer avec l'âme. Donc, vraiment, c'est regrettable, mais les photos des grands-pères, des papas et tout ça, c'est important de garder. Des photos individuelles, mais pas où ils sont deux. Tout seul. C'est ça qu'il faut garder pour l'avenir des enfants. Bon, maintenant, nous allons passer dans le cadre, le but du sujet du jour. Nous avons parlé des divorces. Nous avons parlé de démission, de séparation. Mais maintenant, on va parler de l'ex-communion. C'est ça le mot? Ou bien l'ex-communication? Je crois que c'est l'ex-communion. Hein? Trouvez-moi, aidez-moi là, mon Dieu. Vous me laissez me battre tout seul avec ce français maintenant. Ça devient lourd pour moi. Donc, oui, je crois que c'est l'ex-communion. Excommunier quelqu'un. Donc, c'est de ça que nous allons parler. C'est très important. Parce que je vous dis, je le répète. Ok, merci beaucoup, ex-communion. Il y a des compatriotes qui souffrent, qui pensaient avoir fait bien à travers les conseils que les pasteurs leur ont donnés. Oh, allez-y brûler les croix, allez-y brûler ceci, machin. C'était des francs-maçons, on les a précipités, ils sont allés brûler les toges. Mais alors, je vous parle, les mecs qui astinquent sont devenus fous. Et pourtant, ils vont à l'église, mais ça ne va pas. Et je vais vous expliquer le mystère qui se cache derrière cela et quelles sont les erreurs que ces mecs-là ont commises. Écoutons un peu de la musique. Je vous en prie. Essayez de nous concentrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci encore. Donc, disais-je, comment se séparer d'une secte? Comment se séparer d'une religion? Nous avions été membres d'une religion, membres d'une secte, membres d'une loge, membres d'une société secrète, où on nous a exigé de garder le secret. On nous a exigé qu'il ne faut pas dire des choses. Ou on nous a exigé, en un mot, société secrète, c'est ça. C'est ça la terminologie, société secrète. c'est toute secte ou tout groupement mystique, spirituel, où on vit dans le secret absolu. Alors, et ça, ok, merci, de rien maman, de rien. Et ceci rentre dans le cadre des religions. J'aime toujours parler de moi-même, pardonnez-moi. Alors, je vais vous donner je vais partager avec mon témoignage. J'étais témoin de Jéhovah. Je ne sais pas si certains le savent. Et voué, baptisé, tout. J'étais même permanent, on appelle ça pionnier permanent. Ça veut dire que je passais mon temps à prêcher la parole. J'allais même être missionnaire des témoins de Jéhovah. Non seulement avec ma faculté de parler plusieurs langues, espagnol, anglais, français, bien d'autres, les langues du pays. Donc, j'avais atteint ce niveau où, finalement, on m'a dit que j'étais l'élu. C'est grave. Donc, j'ai franchi toutes les étapes des témoins de Jéhovah. J'étais pionnier permanent. Alors, finalement, 7 ans plus tard, j'ai découvert quelque chose dans la Bible. Un verset biblique m'a dit, j'ai lu un verset biblique qui dit que Jésus, c'est Jean chapitre dernier, verset dernier. J'aime bien parler comme ça, mais c'est la vérité en plus. Jean chapitre dernier, verset dernier, c'est-à-dire la conclusion de Jean à propos de Jésus. Voici ce que Jean dit. Même cette Bible. Voilà, voici la Bible. C'est ça qui a motivé mon départ des témoins de Jéhovah. Deux versets. Vous constaterez, chaque fois, je vais toujours vociférer sur ces versets-là. Le verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, et le verset de Jean, chapitre dernier, verset dernier. Voilà. Jean, chapitre 25, verset 25. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean, chapitre 21, verset 25. Écoutez bien. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. C'est moi qui ajoute le « ah ». Mais si on les écrivait en détail, je ne pense pas que même le monde entier peut contenir les livres qu'on va écrire sur lui, parce qu'il y a des mystères. Oh! Je vais lire encore. Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Mais si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse en contenir les livres qu'on écrirait, car il y a beaucoup de détails, de mystères. Alors, j'ai pris ce verset-là, je suis allé voir un frère témoin de Jéhovah. J'ai dit, papa, pardon, explique-moi un peu ces histoires-là. Donc, ça veut dire que vous nous cachez des choses sur Jésus? Oh, le type me dit, non, on doit t'amener sur le conseil des anciens. Ce n'est pas normal. Tu es habité par un esprit démoniaque ou quoi? On m'a convoqué, on me dit, mais mon frère, tu commences à contester les écrits? J'ai dit, oh, je ne conteste pas, mais c'est ce qu'on dit. Qui paraît que Jésus a fait beaucoup de choses, donc ce qu'on nous dit là de Jésus, là, c'est hein? J'ai même appris quelque part que Jésus, donc... était noir, que Jésus ce n'était pas le Christ. Moi, je ne comprends pas, aidez-moi ici. Oh, ils m'ont dit, je suis antichrist. Alors, mon esprit commençait maintenant à faire de la recherche. Et je suis allé encore aller quelque part dans Matthieu chapitre... je ne vais pas trop balader dans la Bible, mais je connais la parole. Là où Jésus dit... C'est sûrement dans Matthieu chapitre dernier, verset dernier, pardonnez-moi. Et Jésus dit à ses disciples, Matthieu chapitre dernier, verset dernier. Moi j'aime toujours le mot là, mais c'est la vérité. Alors, Jésus étant approché d'eux, leur dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Alors, voici ce que je vous dis maintenant. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai dit là. Dans Matthieu chapitre 5, le chapitre 6, comment prier, comment faire ceci, ainsi de suite. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et dans Jean chapitre 4, il dit, et je vous enverrai le paraclès, l'assistant. Et cet assistant s'est avéré être le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à la Pentecôte. Bref, ce qui nous intéresse ici, moi j'ai dit aux frères que, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné. Allez donc, de faire des disciples dans toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Saint-Esprit, blablabla. Et dans Jean chapitre 4, il nous dit que voilà, oh, mais toi tu es là, mais comment? Donc tu le connais, mais ça c'est mon oncle. Je ne vais pas citer son nom, je ne sais pas s'il vit encore. Non, reviens un peu sur l'écran là. Oui, c'est mon oncle, c'est lui. Lui avec l'autre, papa Alphonse, bon, pardonnez-moi. Hein? Ils m'ont dit non, mais mon frère, mais tu dérailles. J'ai dit non, je ne déraille pas. Je ne déraille pas, les versets sont clairs. Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné. Oh, merci beaucoup. Oui, c'est lui, c'est mon oncle. Alors, puisque lui, il était pionnier spécial. Hein? C'est même lui qui me formait là pour devenir pionnier spécial plus tard. Donc, ces versets, il y a le verset où Jésus dit que je vous enverrai le paraclès, l'assistant. Et cet assistant va tout vous dire. Hein? C'est lui qui fera tout. Moi, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je m'en vais maintenant auprès du Père. Mais quand vous allez recevoir le paraclet, il va faire tout foutre pour vous. Donc, du coup, mes frères, ne croyez pas à la manifestation du Saint-Esprit. Ils ne croient pas au miracle du Saint-Esprit. Votre humble serviteur, donc, commençait à opérer des miracles. Je guérissais. Je ne vais pas citer son nom. Je ne sais pas si la maman la vit encore. Puisque je vivais avec l'une de ses filles. Elle avait ce qu'on appelle la sinusite. La sinusite. Vous savez ce que c'est? Une sinusite chronique. Et là, j'étais témoin de Jéhovah. Mais au même moment, moi, je croyais au Saint-Esprit. J'ai dit, c'est pas normal. Jésus a dit que tout ce que je vous dis, vous devez croire. Hein? Donc, le Saint-Esprit, je croyais à la manifestation du Saint-Esprit. Alors, merci beaucoup. C'est là où, 1 Thessaloniciens chapitre 5, hein, c'est le verset que je les ai fait taire d'ailleurs. Mais là, on n'est pas encore là. Donc, voilà comment je priais pour la sœur. Oh, lui, il vit encore. Papa, vous me citez le nom là, hein, Bazoro. Est-ce qu'il vit encore? Parce que c'est lui qui m'avait baptisé. C'est même lui qui avait reçu ma lettre. Parce que c'était lui qui était le secrétaire de l'époque. Bref, je le ris, mais comment? Les écrits disent que quand vous avez le Saint-Esprit va vous pousser à faire des miracles. Vous allez guérir avec la puissance du Saint-Esprit. Waouh, il doit maintenant avoir peut-être 95 ans, lui-là. Hein? Donc, du coup, j'ai commencé à opérer le miracle. J'ai prié pour cette maman-là, maman Emilienne. J'ai prié pour elle. Je vous jure, le rhume a coulé, le nez a dégagé des trucs sales, tout ça là. J'ai seulement posé la main, comme le dit le livre de Jacques. J'ai seulement posé la main sur son front. J'ai prié, j'ai invoqué le Saint-Esprit. La maman était secouée. Elle était baptisée, vous êtes baptisée. Moi-même, machin. Oh, elle n'a pas fermé sa bouche. Elle t'a dit, oh, le petit a prié pour moi. Un miracle s'est produit. Une semaine plus tard, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si elle vit encore. Elle n'a plus ce problème de sinusite. J'avais prié pour cette dame-là. Alors moi, je suis allé donc revoir les frères. J'ai dit non, ça ne va pas. Vous me dites que non, on n'a pas le droit de croire au miracle. Que les miracles, c'est fini, il n'y a plus de miracles. C'est quoi cette affaire-là? Mais alors que Jésus dit, nous devons croire à ce miracle. Hein? Quelle est cette affaire? Donc voilà comment on a commencé à rentrer en conflit. Voyez-vous? Pardonnez-moi, il y a eu des heures là. Donc, je suis allé donc revoir les frères. Les frères m'ont dit, non, mon frère, nous pensons que toi, tu es maintenant diabolique, ceci, cela. J'ai dit, pourquoi? Sur quelle base? Et c'est là où j'ai amené 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Hein? Qui dit que, dans leur propre Bible, que examinez tout enseignement que l'on vous donne et restez ferme, et restez attaché ou restez ferme à ce qui est excellent. Ça, c'est la version de témoin de Jéhovah. J'ai dit, bon, maintenant, là, on part comment? Vous me dites, non, vous enseignez selon ce qui est dans la Bible. Mais dans la même Bible, Jésus dit que ceux qui croient en moi vont faire ce que je fais. Parce que moi, je m'avais auprès de papa et moi, je vous ai donné tout le pouvoir. Bref, je ne vais pas trop vous maintenir. Ce n'est pas l'objectif de ce live. J'étais pionnier permanent. J'avais tous les grands secrets, les grands mystères des témoins de Jéhovah. J'avais des visions. Ok? Mais je me suis rendu compte que je devenais une gêne pour eux. Parce que les pouvoirs bouillonnaient en moi. Et en temps, je faisais mes propres recherches spirituelles aussi. Et c'est comme ça, les frères m'ont réuni, ils m'ont dit non, vraiment, il faut réfléchir. Moi-même, ceux qui sont à Port-Anti, allez-y vérifier l'information. J'ai pris mon bic, j'ai fait ma lettre de démission. J'ai écrit, moi, Moiré, enfin, à l'époque, je ne m'appelais pas Moiré. J'ai écrit ce que j'ai écrit. Que je ne veux plus faire partie des témoins de Jéhovah. Tout écrit clairement. J'ai adressé une copie à la Watchtower Bible and Tract Society New York. Le siège, ici. Et j'ai vérifié cela en 2001, 2002, quand je suis arrivé ici. Je suis allé à leur siège, là. Je me suis présenté. Ils m'ont dit, vous êtes qui? Je me suis présenté. Oh, c'était compliqué. Ils n'ont pas voulu me recevoir. Mais quand même, j'ai donné mes références. Et c'est comme ça, ils ont dit, oui, nous avons reçu votre copie. Mais on a entendu parler de vous. vous maîtrisez les langues, vous devez même venir ici à leur collège qu'on appelle le collège de Galade. Ils ont un collège là où on forme des missionnaires. J'ai dit, je ne suis plus dedans. Je vous laisse même m'assurer que vous avez reçu ma lettre de démission. Quand vous déjeunez ou bien quand vous partez de ces milieux-là, parce que c'est des sectes, c'est des esprits très puissants. Votre âme a signé un contrat avec ces religions-là ou ces sectes. Il y a une forme d'alliance. Car le fait que vous vous affiliez à ces religions, vous vous affiliez à ces sectes, vous vous affiliez à ces loges, vous signez un contrat, soit par le sang, ou bien par le baptême, ou bien par les livres que vous lisez, les tracts, les bibles, puisque même les francs-maçons, ils ont leur bible. Donc tous ces éléments, ce sont des éléments ce sont des outils de support qui vont vous permettre de vous brancher à leur égrégore. Par conséquent, lorsque vous décidez de quitter, rassurez-vous que non seulement vous faites d'abord la lettre écrite et signée, vous devez signer cette lettre. Et je vais vous expliquer le mystère qui se cache derrière la lettre et la signature. Si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais déchargé et votre âme ne sera jamais en paix. Donc, vous faites votre lettre avec pour objet départ volontaire de la religion témoin de Jéhovah. C'est ça le titre de ma lettre. Voyez-vous, vous faites cette lettre-là. Vous dites, à compter de ce jour, je décide de quitter votre milieu pour des raisons personnelles et de libérer mon âme de vos enseignements. Moi, c'est ce que j'avais écrit. Hein. De libérer mon âme de l'esprit de schisme. Hein? De libérer mon âme de l'esprit du schisme. L'esprit du schisme veut dire quoi? Le schisme, S-C-H-I-S-M-E. Le schisme, c'est un esprit de cassure. L'esprit de séparation. Et il y a des conséquences derrière cela. Parce que quand vous quittez ces religions-là, les grégores de la religion, ok? Les grégores de cette secte-là, même si vous faites semblant d'aller brûler leur linge, leur toge, toutes ces histoires-là, mais si vous ne suivez pas la procédure que je vais vous montrer aujourd'hui-là, vous allez être toujours esclave de cette secte. Vous allez toujours être les esprits de cette secte ou de cet égrégore va toujours vous perturber ou vont toujours vous perturber. Pour la simple raison, votre âme, inconsciemment, vous ne le saviez pas. Votre âme, à cause du fait... Moi, par exemple, j'étais prédicateur. J'ai les photos, si vous voulez, je vais les balancer sur YouTube plus tard. J'étais un missionnaire. J'étais pionnier permanent, c'est-à-dire l'équivalent presque de missionnaire. Je prêchais, je ne travaillais même pas. On me payait pour... Enfin, on me payait pas, mais eux, ils s'occupaient de moi. Ils étaient prêts à me faire ma demande d'envoyer ici pour devenir pionnier spécial, où on devait m'envoyer le linge, on devait me nourrir, et tout. Donc, je devais avoir un petit salaire de 40 ou 35 000 francs par mois. Voilà, la réalité, c'est celle-là. Et quand vous êtes maintenant comme ça, à ce niveau, vous ne savez pas que votre âme est sous la dépendance totale de cet égrégore? Ah oui! Votre âme est tout à fait... Oh, moi, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi l'image est devenue floue là-bas. Est-ce que tout le monde me reçoit? Ida répond. Carole, répondez-moi. Il y a les gens qui se plaignent que c'est flou maintenant. Ou bien parce que je parle, mes frères témoins de Jéhovah, ils sont maintenant fâchés, je ne sais pas. Alors, donc, votre âme, votre esprit, votre corps est imbibé ou greffé. Moi, j'aime utiliser cette expression. Votre corps, votre âme, votre esprit, tous, merci beaucoup de confirmer, tous ces éléments de vous-même sont imbibés ou greffés, sont greffés à cet égrégore ou greffés à l'entité de cette religion. Et par conséquent, lorsque vous osez dire que je m'en vais, on appelle ça le phénomène de refroidissement. Ceci est le témoin, je vois que j'ai appris ça. Hein? Ou l'esprit de tiédeur. On ne vous voit plus très chaud. Et je vais vous expliquer que avant que je puisse déposer ma démission, j'avais décidé de ne plus participer aux activités théoriques, théocratiques, ils appellent ça comme ça. Je ne faisais plus les activités théocratiques là-bas. En d'autres termes, je ne voulais plus prêcher, je ne voulais plus faire beau machin, je ne voulais plus assister aux réunions. Les frères m'approchaient, mais c'est comment? J'ai dit, c'est parce que j'ai commis la fornication avec une sœur. Ils me disent, oh, tu mens. J'ai dit, ah bon, je suis en train de vous mentir, c'est moi-même qui viens vous dire la vérité, vous ne voulez pas me croire, la sœur est même en grossesse. La grossesse a maintenant 6 mois, bientôt 7 mois. Elle va aller même faire l'avortement. Les gens ne m'ont pas cru. On a appelé la sœur et on m'a appelé séparément, au lieu qu'on nous appelle tous ensemble. Voilà l'erreur. N'est-ce pas la Bible, dans leur procédure de Matthieu chapitre 19, ou combien là, Jésus dit que quand les gens sont fautifs, il faut appeler les deux. Il faut confronter les deux devant la congrégation, bien devant les anciens. Mais non, moi je sors quelque chose, eux ils ont douté. Et ils ont appelé la sœur, ils se sont rendus compte qu'effectivement, la sœur, il y avait des signes qui montraient qu'elle était en grossesse. Mais ils ont voulu garder ça secret, pour qu'on ne jette pas l'opprobre sur la religion ou la secte des témoins de Jéhovah. Et la sœur où je vous parle, elle est allée faire l'avortement. Et moi ça m'a choqué, j'ai dit je ne peux pas. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit que vous portez les ustensiles de Jéhovah et vous êtes les premiers à les salir, à faire le banditisme. J'ai dit non. Donc, je vous le dis ouvertement, c'est une confession, il y a des témoins de Jéhovah qui me suivent et c'est ce que j'ai fait. J'ai forniqué avec cette sœur-là. On part prêcher, on est fatigué, on se retrouve chez sa tante là-bas, elle nous donne la chambre en clando. Allez, on faisait les choses de tchouké-tchouké ensemble jusqu'à ce qu'elle s'est engrossée. Et moi, ce qui m'avait choqué, je lui ai dit non, il faut garder l'enfant. S'il faille qu'on se marie, il vaut mieux qu'on se marie. Oh non, je ne peux pas, c'est les choses la honte. J'ai dit, mais les choses la honte, on a déjà forniqué, c'est la honte. Toi, tu parles encore quoi? Oh non, j'ai dit, mais tu vas commettre le crime là, des machins. Et je vous dis qu'en plus, c'était des jumeaux, s'il vous plaît. C'était des jumeaux, deux enfants dans son ventre, qu'elle a tué au 7e, 8e mois. Moi, j'ai dit, ce médecin là, je ne sais pas s'il vit encore, hein, mais moi, j'avais posé ma malédiction. Et cette sœur, jusqu'aujourd'hui, on ne s'entend pas. Que Dieu me pardonne, moi je n'en veux pas mourir, mais moi je lui ai dit non. Tu vas porter ton propre karma. Comment tu vas commettre un crime pareil? L'exclusion va te coûter quoi? Ça te sert à quoi de mentir à la congrégation? Donc, bref, sans compter les adultères que certains frères commettaient à gauche, à droite, en clando, ça c'est baiser les femmes entre eux, pardonnez-moi mon langage, hein, les amis, les femmes, ceci, cela, c'était du banditisme. Donc, j'ai déposé ma lettre de retrait de la congrégation des témoins de Jéhovah. Ici aux États-Unis, ils connaissent. Quand je suis arrivé ici, là, je leur ai donné ma position. Je leur ai dit, voici mes principes. Vous ne croyez pas en ceci, vous ne croyez pas en cela. Ça ne sert à rien de me juger. Je vous respecte. Ils viennent, ils fréquentent mon épouse, ils fréquentent mes enfants. Moi, je ne suis pas contre eux. Je suis un démocrate dans ma vie spirituelle. Donc, c'est pour vous dire que rassurez-vous que vous écrivez cette lettre. Une fois que vous avez écrit cette lettre, remettez tous les documents qui appartenaient à eux. Non. Le fait de discuter avec eux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez discuter. Mais seulement, faites très attention, hein, parce qu'ils sont comme moi. Moi, je fais psychothérapie. Mais je suis psychologue, en fait. Pas de profession. J'ai un diplôme en psychologie. Ils savent. C'est des manipulateurs de conscience. Amy, maman, il faut aller suivre ma vidéo sur la manipulation psychologique, là. Il faut suivre cette vidéo à nouveau. Ils savent comment vous manipuler. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez les accepter, au fur et à mesure, ils vont embobiner votre âme. Et je sais de quoi je parle, puisque j'étais moi-même dans ce milieu-là. Et c'est ce que je faisais. Hein? Ils sont trop collants, c'est le mot. Même des nuits, ils vont venir vous déranger à tout moment. Tout. Et si vous ouvrez déjà la porte, bon. Voyez-vous? Donc, moi, je fais ça. Pourquoi? Après la démission, tout ce que... J'étais au niveau, j'avais les documents de la théocratie, j'avais les documents de la Watchtower, tout ce qui leur appartenait, j'ai tout remis. Oh, nous, on ne veut pas recevoir ma... J'ai dit, ok, je vais les brûler au feu, puisque c'est ce que vous m'aviez fait, lorsque j'avais mes magies des Indes. Vous êtes venu dire que, oh non, tes magies-là, c'est des démons. Ils ont tout brûlé. Alors, moi, j'ai dit, vos documents, je vais les brûler devant vous. Voyez-vous? Alors, c'est ainsi, j'ai pris tous leurs livres, les Watchtower, The Awake, enfin, les Réveillez-vous, les Tours de Garde, les Bibles, tout, j'ai mis devant eux, tout, leur machin, tout ce qui était à ma témoin de Jéhovah, j'ai tout détruit. Les gens m'ont pris de fou, mais je vous dis, j'ai senti une libération en moi. Au-dessus de la lettre que j'avais envoyée, j'ai senti une libération. Bien, ça c'est mon témoignage à moi. C'est pour vous dire, avant de conclure, sur les dangers que cela représente, sur les dangers que cela représente. Ah, voilà quelqu'un qui est témoin, je vois donc qui fait. Ah, merci d'être venu donc. Merci, oh, ma soeur ou mon frère, je ne sais pas si vous êtes femelle ou même masculin, frère ou soeur. Donc, suivez cette procédure, écrivez la lettre. Ça ne sert à rien d'avoir une... Parce que votre conscience, elle est perturbée à cause du schisme. Je vous le répète le mot, le schisme. Le schisme, c'est quoi? Vous voyez, rappelez-vous qu'ils utilisent toujours le livre de Deutéronome qui dit que oh, Jéhovah, c'est un Dieu jaloux. Il n'accepterait pas que si vous, quand vous l'adoriez, vous devez encore adorer d'autres dieux. En d'autres termes, ils embrigadent votre conscience. Ils vous empêchent d'évoluer dans votre évolution spirituelle. Vous n'avez plus accès à d'autres connaissances en dehors d'eux. Ce sont eux qui doivent dicter votre vie. Ce sont eux qui doivent dicter votre manière de vous conduire dans votre société. C'est-à-dire qu'ils sont en droit de contrôler votre conscience et de votre subconscient. Ça veut dire que vous n'êtes pas un homme ou une femme libre. Et c'est ça la réalité. Or, nous, Nzambakana, le Dieu suprême, nous a créés avec le libre arbitre. Eux-mêmes, ils prêchent tous les jours. Mais pourquoi embrigader les consciences des gens? Les empêcher de lire? Et c'est ça le conflit. Ils ont commencé à me dire, non, tu commences à contredire les écrits. Hein? Tu viens nous dire que Jésus avait... C'est pas moi, c'est écrit dans Matthieu chapitre, plutôt dans Jean, chapitre 21, verset 25. C'est la conclusion de Jean. Jean a dit que non, Jésus a eu à faire beaucoup de choses. Jésus, les mystères de Jésus-là, donc on ne connaît même pas. Hein? Vous qui me suivez depuis là, je vous ai amené dans le livre de... Même des révélations, si vous voulez, puisqu'il y a la sœur témoin de Jéhovah. Tu pourrais même leur montrer ces versets-là. Hein? Révélation ou Apocalypse, le chapitre 4. Hein? Il nous dit quoi? Le chapitre 4, le verset 2 à 3. Hein? Aussitôt, déclare Jean, aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône-là, il y avait quelqu'un qui était assis. Mais celui qui était assis là avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et j'ai vu sur les 24 trônes-là, il y avait 24 vieillards qui étaient assis. OK? Mais, remontons sur le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et dans d'autres Bibles, là, comment on appelle ça? La pierre de jaspe et de sardoine, c'est quoi? C'est la pierre noire. Donc, on nous dit que celui qui était assis sur le trône-là avait l'aspect d'une pierre noire. C'est ce que les musulmans appellent la Kaaba. Ceux qui sont musulmans peuvent me témoigner. La Kaaba, c'est une pierre noire. La Bible, dans Révélation ou Apocalypse, le chapitre 4, le verset 3 nous dit que celui qui était assis là, hein, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre noire. Oh, maintenant, s'il avait l'aspect d'une pierre noire, où est-ce que l'affaire du blanc vient ici là? Donc, c'est conclusion. Ce Jésus dont Jean est en train de nous parler ici là, le Christ, hein, je ne parle pas de Jésus machin, je parle du Christ. Le Christ dont Jean est en train de visionner, selon Apocalypse, le chapitre 4, le verset 2 jusqu'à 4, il s'agit bien des noirs qui sont assis sur le trône. Allez-y savoir. Le Jésus qu'on nous montre à gauche, à droite, débat à Hollywood, c'est un Jésus blanc, une super star. Ça n'a rien à voir. Donc, conclusion, tous ces versets-là, chers frères et sœurs, j'ai amené ça à mes frères témoins de Jéhovah. Oh, ils ont crié au scandale. Je dis, vous criez au scandale. Oh oui, vous n'avez pas le droit de lire l'autre livre. Ah bon? Qui vous a dit cela? Donc, je vais vous dire, en vérité, toute religion qui embrigade votre conscience, ça s'appelle l'embrigadage de la conscience. C'est-à-dire, cette religion dicte votre vie. Cette religion vous donne des directives, des manières, des fonctionnalités dans la société et autres. Il vous ferme toute porte à avoir accès dans le monde judiciaire. Si vous avez un problème, une femme, un frère qui vient coucher votre femme, vous n'avez pas le droit de lui porter plainte. Oh non, frère, il faut pardonner. Il faut garder ça entre vous. Ah bon? Même s'il va m'amener le sida. Vous, moi, je dois pardonner. Ça a commencé comment? Ils ne veulent pas que vous les portiez plainte. Mais bien sûr, Maman Ida, ça mène à de l'aliénation. Hein? On a vu beaucoup de choses qui se passent. Ces jeunes belles femmes, hein, qu'on voit là-dedans, tu veux te marier, moi je ne vais pas me marier, hein? Je vais me marier dans le monde nouveau. Le monde nouveau où? En train de fornique entre eux. Mais j'en sais quelque chose, parce que moi je les couchais, ces soeurs-là. Je vous dis la vérité. Oui? Mais c'est parce que j'ai été honnête pour dire non, moi je ne vais pas continuer à vivre dans l'hypocrisie, parce que le même Dieu... Dans votre Bible, il est bien écrit, dans le livre d'Ésaïe, que vous qui portez les ustensiles de Jéhovah, vous n'avez pas les salir. Vous, les ustensiles, c'est quoi? La Bible que je porte, les tours de garde et toutes ces histoires-là, je vais prêcher de maison en maison, et en temps, je fornique avec les sœurs. Vous trouvez ça normal? Et on le faisait en hypocrisie. La sœur m'invite chez elle. La nuit, comme ça, elle m'ouvre la fenêtre, là-bas, la balise, et puis je passe par la fenêtre, là, derrière la fenêtre. Voilà les choses qui se passent, et c'est la vérité. Et ce n'est pas que ça. Ici, aux États-Unis, j'ai vérifié. Les sœurs témoins de Jéhovah, entre 25 et 40 ans, comme toi me dis, tu as des beaux seins, un beau visage, tu es là, tu dis, non, tu ne vas pas te marier. Et vérification faite, ils sont en train de forniquer en clando. Ils sont en train de baiser, pardonnez-moi. Ils achètent des godibichets, les poupées gonflables. Ils s'achètent des bites artificielles et ils se les mettent dans les fesses. Et ce n'est pas ça la masturbation que la Bible condamne. Ce n'est pas ça l'impureté, l'impudicité dont la Bible en parle. Donc, c'est la vérité. Wallahi, au transfert de Port-Gentil. Mais comment toi tu connais l'affaire là? C'est là-bas où je faisais le banditisme, là, au transfert, oui, c'est ça. C'est là-bas où j'allais faire le machin avec la sœur. Donc, Du coup, c'est pour vous dire, pour me résumer, si vous êtes esclave, ah oui, on envoûte vos enfants, oui, c'est vrai. Du coup, si vous êtes esclave dans ces sectes-là, dans ces religions, je vous donne une information gratuite que vous pouvez vérifier vous-même dans la Bible. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa à son image. Et il lui donna tout pouvoir et toute domination. La religion n'est pas la création de Dieu. Dieu n'a jamais créé une religion. Parce que lorsqu'il donna toute autorité à l'homme et toute domination, l'homme devait rendre à Dieu cette image, c'est-à-dire l'homme devint Dieu. L'homme est un petit Dieu. En d'autres termes, l'homme n'avait pas besoin de religion. Tout ce qu'il désirait, il le recevait. Tout ce qu'il désirait, par la pensée, il l'avait. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des esprits, il y a des mondes parallèles où les gens vivent comme ça, par la pensée, tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. Et c'était ainsi que Djamba Kana, lorsqu'il a créé l'homme. Mais vous savez, le libre arbitre, le libre arbitre, l'homme est libre de choisir ce qu'il veut servir. L'homme est libre de choisir et suivre le chemin qu'il veut. Et nous n'avons pas le droit d'imposer à nos enfants nos croyances et nos doctrines. Je vous parle, j'ai 4 gosses, filles comme garçons. Et je vous dis, la majorité, ils n'aiment pas ce que je fais. La majorité se tourne parfois du côté de la mère pour m'appeler que je suis sorcier. Ça, c'est leur business. Le fait que j'ai ces connaissances. Aujourd'hui, certains sont jaloux de ne pas comprendre. Je n'ai tué aucun d'entre eux, je n'ai tué personne, au contraire. Ils sont heureux dans leur vie, ils ne savent pas comment ils réussissent. Hein? Bon, sauf l'un parmi eux, qui, il a vécu beaucoup de miracles dans sa vie. Le gars qui n'avait même pas espoir d'obtenir le bac. Mais, comme par miracle, il a eu ce bac. Allez-y savoir ce qui se cache derrière ce mystère. Mais, papa, il est là dans le monde des mystères. Il sait comment manipuler ses forces universelles. Et c'est ça le véritable but des mages. Le véritable but d'un initié, c'est quelqu'un qui maîtrise les lois de la nature en vue de pouvoir les servir pour le bien de l'humanité, pour que les gens retrouvent l'équilibre normal de la vie. Le libre arbitre, c'est d'être responsable de ses actions, de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Djamba Kana a donné ce libre arbitre à tout le monde. La religion, c'est pas Djamba Kana qui a créé la religion. Voyez-vous, la seule vieille religion qui a commencé depuis les temps anciens, c'est la religion léguée à nos ancêtres. Et laquelle religion léguée à nos ancêtres? Il y a quelques traces qui nous relient, c'est écrit même dans la Bible, mais de manière tout à fait lucide. Il faut avoir vraiment le discernement et la sagesse pour comprendre que Abraham était un noir. Et pour comprendre que Moïse était un noir. Voilà la religion de nos ancêtres. Voilà. Et comment ces mecs-là priaient? Je vous l'avais déjà expliqué. C'est le rite à peu près que les musulmans font. C'est comme ça qu'ils priaient. Mais ça n'a rien à voir de religion. Un lifestyle. Un lifestyle veut dire un style de vie. Une manière de vivre. Ne pas imposer aux gens des dogmes contradictoires, bizarres, qui les amèneraient à l'enfer ou au ciel, ou comme diraient certains dogmes ou certaines doctrines. L'homme a la liberté de se lier lui-même au Dieu suprême Djamba Kana. Soit par l'initiation. Mais l'initiation, c'est le commencement de tout. C'est l'apprentissage à la connaissance universelle. Voilà l'initiation. Et cet apprentissage à la connaissance universelle ne doit pas avoir de limite. Mais elle est bien protégée. Elle est bien protégée par un principe clair. C'est le principe de prendre ce qui est bon pour votre évolution. Prendre ce qui vous convient et rejeter ce qui n'est pas bon. Et ce même principe est décrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. C'est lequel principe, malheureusement, beaucoup de religions ne le comprennent pas. Donc, toute religion, toute secte qui vient vous imposer des histoires de blancs, qui vient vous imposer des doctrines étrangères, qui vient vous imposer des conneries qui n'ont rien à voir avec votre évolution, qui n'ont rien à voir avec votre environnement direct, qui n'ont rien à voir avec votre tradition. Oui, après, ils viendront diaboliser nos traditions. Mais ne sont-ils pas les premiers à exploiter le bois sacré, l'iboga? Savez-vous que l'iboga est vendu illicitement ici aux États-Unis, à travers le monde, même si les Américains ne l'autorisent pas? Savez-vous pourquoi ils ont demandé l'interdiction de ça ici? C'est parce que le bois sacré, iboga, est le seul bois au monde qui est capable d'annihiler pour ne pas dire détruire tous les effets nocifs de toute forme de drogue. Je dis bien toute forme de drogue. Il n'y a que l'iboga qui le fait. Et ça a été prouvé scientifiquement. Allez-y, consultez, Google. Cherchez le mot ibogaïne. Et vous ferez, vous apprendrez beaucoup mieux que votre humble serviteur qui vous parle. Donc, quand on vous dit que votre humble serviteur, la dernière fois, avait dit que le fameux arbre de vie dont parle Genèse chapitre 3, c'est bien l'iboga. Les gens ont dit, on crie au scandale. Mais je ne les ai prouvés par A plus B. Donc, laissons ça de côté. Revenons sur les histoires des divorces, les histoires des séparations, les histoires de comment vous séparer de ces sectes. La loi numéro 1, écrivez une lettre express. Exprimez clairement tout ce qui sort de votre âme, de votre esprit. Et dites-le clairement, transcrivez-le. Parce que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Ok? Je répète, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc, il faut écrire. Et vous adressez toutes vos concerns, on dit en anglais concern, toutes vos vérités là-dessus. Pour des raisons personnelles. Si vous voulez que je mentionne les raisons personnelles, vous écrivez. Voilà, j'ai forniqué avec des frères, ou des frères m'ont attrapé mes testicules, ou des frères ont joué avec ma partie privée pour les cas des femmes. Il y a beaucoup de secrets, je vous dis. Et on vous dit non. Oh, sœur, ça, c'est des histoires. Il faut garder ça. Il ne faut pas amener ça dehors. Alors que nous avons des juges, nous avons des avocats, nous avons la loi. Judiciaire, les principes judiciaires sont là. Nous avons des institutions qui peuvent bien régler ce genre de conflits. Mais ils vous imposent à les régler uniquement au sein de leur secte. Voilà l'esprit d'embrigadage de conscience. On embrigade nos consciences, on embrigade nos esprits dans des sectes dont les origines sont tout à fait des origines ténébreuses. Parce que si je vous dis l'histoire du fondateur de Témoins de Jéhovah qu'on appelle Charles T. Russell, je suis ici aux États-Unis et je sais qui il était. Ah oui, je connais l'histoire de sa famille. Je connais ce type-là. Allez-y savoir, quand vous adoptez, vous rentrez dans des sectes, n'importe comment, dans des religions, vous ne connaissez même pas leur histoire en profondeur. Donc faites très attention. Dieu nous a créés libres et vous devez vivre libre. Vous devez retourner sur cette terre nue comme vous êtes sorti du ventre de votre mère nue et vous retournerez sous le sous-sol nu et que votre âme soit libérée de tout attachement et de toute greffe ou de toute affiliation avec des sectes ou des religions de tout genre qui vous imposent des dogmes tout à fait étrangers qui n'ont rien à voir avec nos traditions et nos valeurs. On vous interdit de parler à vos ancêtres et on dit que c'est diabolique. On vous interdit de comment on appelle ça, de raconter les contes du village, de parler de l'histoire de la tortue, de parler de l'histoire de Ngoï la panthère ou je ne sais pas, de Seringila. Ça, c'est les contes qui ont fait évoluer la société gabonaise. Ce sont les contes qui ont fait évoluer la société africaine. Nos traditions doivent être révalorisées. On doit ramener nos religions anciennes. Et je vous redonne comme référence. La religion d'Abraham, de Moïse, c'était la religion de laquelle... comment dirais-je? Ça, c'est la lignée des religions de nos ancêtres. Ces mecs-là, la façon dont ils adoraient Dieu, c'est pareil comme nos ancêtres le faisaient. Ils invoquaient les ancêtres. Ils invoquaient les esprits. Et où est-ce qu'on va aujourd'hui? On est dépravés. On voit des gens, des pasteurs qui sortent, je ne sais pas, de l'air ou comment... Allez-y voir sur les vidéos, montrez toutes les folies, je ne viendrai pas parler de ces gens-là. Donc quand vous démissionnez, rassurez-vous que vous écrivez votre lettre. Et après avoir écrit la lettre, au lieu de commettre l'erreur d'aller brûler les éléments qui vous liaient à cette secte, c'est un danger, vous brûlez votre âme et vous allez avoir des cauchemars tout au long de votre vie. Soit disant Jésus va me sauver. Et donc Jésus en question, vous le connaissez même. Vous ne savez même pas qui est Jésus. Vous allez vous prosterner devant un Jésus qui a une barbe blanche ou Jésus qui est blanc. On vous a dit qu'il est blanc? Voilà des conneries comme ça qu'on vous fait croire à beaucoup de machins. Bon, bref, je ne suis pas venu ici pour tic-taquiner les gens. Mais pour vous dire la vérité que Dieu vous a créé esprit libre. Vous n'avez pas le droit de dépendre d'une secte, d'une religion. Vous avez le libre arbitre de fréquenter une religion et de faire la loi qu'on appelle la loi de sélection naturelle. La loi de la sélection naturelle est une loi universelle. Elle a été même rappelée par l'apôtre Paul, fondateur du christianisme, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 21, dont je ne me fatiguerai jamais de vous répéter. Et cette loi de sélection est la suivante. Si ce que cette église-là enseigne tous les jours et fait le tapage ne me convient pas, je sors, parce que la Bible me donne ce droit. Bon, maintenant si ce qu'il dit c'est bon, je continue. Mais si quelqu'un veut crier à mes oreilles, faire le tapage, alléluia, oh blablabla, et ça ne me convient pas, je sors. C'est votre libre arbitre et personne n'a le droit de vous juger sur ce. Hein? Mais vous vous rendez compte? Voilà des témoignages comme ça. Ils ont excommunié une dame pour avoir porté plainte à son mari blanc qui violentait sa fille noire. Mais c'est ce qui se passe dans ces sectes-là. Et même les témoins de Jéhovah le font. Les témoins de Jéhovah le font, je vous en prie. J'ai été également scientologue. J'ai été le secrétaire général de la scientologie dans l'État de l'Ohio, Columbus State. Vérifiez ceux qui sont scientologues. Allez-y, appelez même. Vérifiez, Google, cherchez. Votre humble serviteur a été secrétaire général. J'étais chargé du recrutement des gens en vue de leur faire ce qu'on appelle le Dianetics. Le Dianetics, c'est une technique, la Dianetics. La technique de la Dianetics consiste à purifier et à vous faire un lavage de cerveau de Dieu, de tout ce que vous croyez, et de faire de vous, vous. C'est-à-dire, vous ne croyez même plus en Dieu. Dieu n'existe plus, rien n'existe. Vos ancêtres n'existent plus. Donc, ils vous font ce blanchiment d'esprit, mais pas dire. On vous fait. Comment on appelle ça? Pardonnez-moi encore, je suis trop émotionnel dans ce sujet-là. Hein? On vous fait donc. On vous blanchit ou encore. Votre. On vous. Bref. Voilà, merci. On vous fait ce lavage du cerveau-là pour vous faire croire que vous êtes qui? Et allez-y savoir ce qui se passe encore dans la scientologie. C'est la même bêtise. On apprend aux jeunes enfants comment coucher les parents qui touchent les parties intimes. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un monde dépravé. Hein? Nous, dans nos sociétés africaines, on nous a appris comment respecter la femme. On nous a même appris de ne pas parler du sexe n'importe comment. Ne pas le vulgaire. Hein? C'est ça qu'on nous a appris. L'affaire du sexe. La femme s'habille, elle couvre tout son corps. Hein? Les musulmans ont même copié ça de nos ancêtres. La tête, la femme, elle est couverte. Les seins là doivent être couverts. Là-bas, tout ça c'est couvert. Ça n'a rien pas de religion, ça. Ça n'a rien à voir avec la religion. Pourquoi? Parce que la femme doit garder cette beauté pour son mari. La femme doit garder cette partie du corps pour elle-même. Comme ça, quand le mari va la voir là-bas, mais mon Dieu, il est trop content même. Avant même de la toucher, il est déjà en forme, il est tendu. Mais aujourd'hui, maintenant, vous exposez maintenant les corps des gens n'importe comment. Et c'est ça, c'est les gens qui vont même dans les églises. Tu vas porter un habit qui montre maintenant les seins. Hein? Les cuisses, tout ça là. Mini-jupe. C'est quoi cette affaire là? Après on dit, voilà, c'est la religion. Rassurez-vous que lorsque vous déposez votre démission, elle a été bien reçue et qu'elle a été signée par le responsable de l'église locale ou reçue et signée par le responsable de la secte locale. Et une fois ceci est engagé, c'est votre droit de leur dire que moi je ne veux plus faire partie de vous. Et vous devez leur dire à haute voix et devant eux. Et à cet effet, les témoins de Jéhovah ont un système d'embrigadage de la conscience où ils vont vous demander seulement vous et à vous seul. Vous seul, vous faites face à 4 anciens. Parce qu'ils savent que vous êtes intelligent et ils vont commencer à vous bombarder de questions bizarres. Mais soyez ferme et soyez rassurés qu'une fois vous déposez votre lettre, il n'y a plus de négociation. Ce n'est pas eux qui doivent dicter votre vie. Ce n'est pas eux qui doivent dicter les dits de machin. Hein? Le monopole de la compréhension de la Bible n'est pas aux mains d'un individu quelconque. Oui, la Bible, elle est claire. Si vous voulez avoir la compréhension, si vous voulez comprendre les grandes vertus de l'Éternel, le livre de Proverbes chapitre 4 nous dit quoi? Lisez-le, livre de Proverbes chapitre 4 jusqu'au chapitre 8. Il vous dit ce qu'il faut faire. Maintenant, le Nouveau Testament nous dit quoi? Priez le Saint-Esprit, si vous avez des difficultés. Mais le Saint-Esprit, priez, c'est l'Esprit universel. Ouais? Priez cet Esprit. Cet Esprit viendra en vous. Et il va vous révéler qui vous êtes. Et il va vous révéler le chemin. Et le reste, ce ne sont que des petites initiations que vous allez recevoir à gauche et à droite. Oui, merci beaucoup. Anjangema, merci. Les Occidentaux, les Orientaux, ils viennent détruire nos traditions. Ils viennent détruire nos croyances au profit de leurs dieux étrangers que eux-mêmes ne pratiquent même plus dans leur milieu. Allez-y me demander en Chine, il y a combien d'églises là-bas? Et même ici aux États-Unis où je vis, la plupart des églises qui font le bruit à gauche, à droite, alléluia, ce ne sont que des Africains. Et même les Américains blancs, rien. Ils s'écartent de ces histoires-là maintenant. Ouais. Et pourtant, les plus grandes universités de théologie existent ici. Moi-même, j'ai fait leur université ici. Là. J'ai fait l'université de la théologie. J'ai un bachelor en théologie et sur les études comparées. Ils m'ont tout dit. Et c'est tout ça, ça m'a découragé même de ne pas être pasteur, bien que j'ai été pasteur d'une église. Là, vous verrez sur mon Facebook. Le pasteur blanc est à côté de moi. Il voulait que je sois là, comme il voyait que j'avais un charisme très puissant. Et que je maîtrise également l'espagnol et le français. Donc, ça faisait venir beaucoup de Mexicains, de pays également des frères africains des pays francophones. Tout ça, c'est de l'exploitation et du profit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les dîmes allaient rentrer. Ils savaient que les offrandes allaient rentrer. Donc, c'est tout c'est fait à dessein, à des profits personnels. Laissez même le pauvre Jésus. Vous ne connaissez même pas qui il est, ou Jésus-Christ. Vous ne connaissez même pas qui il est. Et les gens vont l'emmerder. Ils vont faire de lui d'une superstar. Hollywood en a fait toute une superstar. Apocalypse chapitre 4, verset 2 jusqu'à 4. Yahshua, le Christ, n'était pas blanc. Il était noir. Ça, c'est ce que Jean nous dit. Ce n'est pas moi, c'est Jean. Ceux qui doutent, recevez la vidéo. Révélation ou Apocalypse chapitre 4, le verset 2 jusqu'à 4. Donc, une fois vous avez fait votre lettre, rassurez-vous que tous les éléments qui sont en vous, sauf ce que vous fabriquez vous-même. Ça là, c'est moi-même qui ai programmé la fabrication. Ce sont des chevalières que moi-même, j'ai demandé à mon bijoutier d'en faire. Et c'est moi-même qui ai fait les charges. Je vous ai dit que je maîtrise la talismanie pratique qui consiste à transférer des énergies positives universelles. Les esprits que j'appelle à gauche, à droite. Je sais qui je convoque. Je sais qui avec qui je parle. Je sais quelle force qui vient de la pierre, qui vient de l'or, du diamant. Je connais les vertus de toutes ces histoires-là. Et j'en ai fabriqué moi-même. Ça, c'est moi-même qui ai fabriqué. C'est conçu pour moi. Et demain, après-demain, quand je pars, je peux le donner à l'un de mes enfants qui est intéressé. Je dis, garde ça, c'est pour toi. La croix que je porte, je vous ai dit, et les gens se posent des questions, c'est la croix que j'ai reçue au cours de mon initiation égyptienne. C'est un symbole. Le pouvoir n'est pas dedans. Le pouvoir est en moi. Tout ce que vous allez porter, il n'y a pas, le pouvoir n'est pas ici. Mais le pouvoir est en vous. Ok? Mais c'est vrai que le pouvoir aussi est ici, parce que moi-même, je connais la talismanie pratique, le transfert des énergies cosmiques, le transfert des énergies des entités de l'au-delà. Et je sais comment je remplis ça. Ça demande un temps. Ça va jusqu'à 90 jours pour remplir ces énergies-là et d'en faire un véritable pentacle. Parce que le pentacle ou un talisman vivant et puissant a mille et un pouvoirs. Vous voyez? C'est des choses qu'on fait. Ça fait partie de l'initiation. Donc, en dehors de ces choses-là, ça vous gardez. Mais ce que quelqu'un vous a donné, qui vient de l'église, les symboles que ces églises-là ou ces sectes-là vous donnent, ou bien les loges maçonniques et autres-là, ils vous donnent certaines bagues, certains trucs. Tout ça-là, rassurez-vous qu'avant de les détruire, comme j'ai vu certains au Gabon commettre cette erreur d'aller brûler, vous brûlez. On vous a dit que c'est le brûlé-là qui va vous débarrer, qui va libérer votre âme. C'est faux. Ce qui libère votre âme, c'est la lettre. Tout comme vous êtes rentré, vous avez signé. Quand vous êtes rentré dedans, vous avez signé. Il y a des papiers, les documents qu'on vous donne pour lire. Ça embrigade votre conscience, ça embrigade votre âme. Donc, par conséquent, vous devez également faire une lettre. Vous écrivez la lettre. C'est très important. Une fois que vous avez fait cette missive-là, vous avez écrit cette lettre, vous avez écrit cette lettre, le reste suivra. Vous devez détruire tout. Vous devez les rendre avant de détruire. Ceux qui sont francs-maçons, moi je l'ai fait. Voilà, les toges, les chevaliers, hein, et même certaines chenettes. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas porter les machins, les bagues, mais ils portent des chenettes avec le symbole maçonnique. Toutes ces histoires-là, vous prenez, vous mettez dans une enveloppe, allez-y voir le maître. Dites voilà, plus la lettre. Je ne veux plus faire partie de vous, oh, parce que je suis maintenant un initié, j'ai mangé mon bois sacré. Le bois sacré, mes ancêtres m'ont dit, je suis un esprit libre, libre et libre. Les tabliers, tout, il faut rendre. Il ne faut pas les brûler. Moi, j'ai vu des gens, oh, parce que je suis machavé, moi je vais brûler. Qui vous a dit de brûler ça? Allez-y rendre ça. C'est comme ça se passe. Pour se déconnecter de leur autorité, pour se déconnecter de leur entité. Ouais. Même quand vous lisez l'histoire de la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, les mecs qui ont brûlé toutes ces histoires-là, il y a eu d'abord une prédication, il y a eu d'abord une déclaration. En d'autres termes, si ce n'était pas une déclaration orale, ça pourrait être une déclaration écrite. C'est-à-dire, on a demandé aux gens, est-ce que ce que vous allez faire? Oui, ouvertement, j'abandonne toutes les pratiques que je faisais. Maintenant, aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ. C'est fini. Moi, je veux l'Esprit de Jésus. Je veux l'Esprit de Jésus. C'est une forme de déclaration. Donc, vous devez faire votre déclaration, soit orale ou écrite. Mais de nos jours, la technologie a évolué. Vous n'allez pas vociférer devant ces gens-là. Vous allez voir où. Écrivez cela sur papier. Une fois que vous avez écrit, vous connaissez l'adresse locale de votre église et vous allez donner. Et si vous n'avez pas une suite dans un mois, allez-y les revoir. Parce que votre âme n'est toujours pas libérée. Votre âme sera libérée uniquement lorsque ces mecs-là vont vous dire « reçu ». Est-ce que vous avez reçu? Oui. Donnez-moi une copie que vous avez reçue. Il vous donne la copie. Ok. À partir d'aujourd'hui, oh, laissez-moi tranquille. Ne m'appelez plus. Vous coupez leur téléphone, tout. Voilà ce qu'on appelle une véritable séparation. Ou, comment dirais-je, Voilà, surtout quand on dit ces histoires-là. C'est très fort, hein? Quand vous dites, je donne ma vie à Jésus, mais quel Jésus vous donne la vie? Hein? Donc, quand vous avez fini de faire tout cela, vous leur dites, bon, maintenant les éléments là-haut, moi je suis venu vous remettre tout. Les livres, tout, vous n'avez plus à voir ça. Parce que les livres, c'est un lien. Ah oui, les tracts, ce sont des liens. Et quoi encore? Les toges, ce que vous portez là au cours des cérémonies, ce sont des liens. Les foulards que vous portiez, c'est des liens. Vous comprenez de quoi je parle? Tout ce qui a un lien avec la secte ou la religion que vous trouviez là, débarrassez-vous-en. Veuillez vous en débarrasser, je vous prie. Maintenant, je vais vous dire le danger, avant d'en arriver à la conclusion. Savez-vous, vous avez sûrement, certains sont nouveaux, allez-y sur mes vidéos, là où je parle de la manipulation psychologique, là où je parle des magies égrégoriques. Qu'est-ce que c'est une magie égrégorique? Allez-y suivre ça. Je ne vais plus développer ça ici. Toutes les religions du monde, toutes les religions, je dis bien sans exception, en dehors de la religion traditionnelle, initiatique, toute religion qui passe par des rites, qui passe par les rites, veut dire quoi? Baptême, lire après, répéter après le pasteur, répéter après le prêtre, ou une gifle, parce que vous avez reçu l'Esprit du Saint-Machin, le Saint-Esprit, ou je ne sais pas quoi, ou machin. Tous ces rites-là, toute religion qui se base sur des rites, est une entité égrégorique. Car elle est la fabrication pure et simple de l'homme. Ah oui, même les pins, les symboles que vous portez, tout ça. Voilà, ce sont des outils égrégoriques. Ce sont des outils qui permettent votre égrégore de survivre dans le plan invisible. Or, je l'ai expliqué que l'égrégore est une entité, c'est un esprit, c'est une énergie, entitas, égrégorius, égrégoria. Donc, dès lors que moi, Mourion Nouvier, je m'assois ici avec vous qui me suivez et qu'on décide de monter un petit groupe qu'on va appeler Tata Nzambe, Akana, et qu'on dise, bon, à partir d'aujourd'hui, nous allons recruter les gens à travers le monde. Ok? Je vais organiser, je vais ouvrir mon machin, mais on appelle ça comment? Mon site internet. Je vais créer un website. Voilà, je vais créer un website. Donc, un site. Ok? Lequel site? Je vais faire diffuser toutes mes vidéos d'enseignement mystique. Je vais donner des informations. Je vais faire des conférences. Lequel site? Je vais donner également des enseignements écrits. Lequel site va avoir des liens avec les livres que j'ai écrits? L'un des livres, qui est Dieu? Bon, c'est encore en cours de préparation, soyez patients, ça va sortir. Qui est Dieu? Qui suis-je? C'est le deuxième volume. Hein? Et l'autre livre, c'est La folie de la colonisation en Afrique noire. Voilà, ça c'est le troisième livre que je prépare. Donc, tous ces livres-là vont être liés à mon site. Ok? Et les vidéos que je fais, y compris celles-ci, liées à ce site. Une fois le site est établi, maintenant, on va maintenant créer ce qu'on appelle des sécurités autour de ce site. N'aura accès à ce site uniquement les gens qui sont membres. Or, pour être membre, vous devez payer une certaine somme d'argent. Si c'est 5 euros par mois que vous devez payer, on vous demande, vous payez 5 euros. Alors, quand vous payez, donc à chaque fois, vous utiliserez le mot de passe qui va changer et qui va être administré par quelqu'un. Il y a un bureau qui est là, il y a une secrétaire, il y a un administrateur qui vont gérer tout cela. Allons à machin. Et voilà, nous créons cette situation. Et ensuite, je vais faire des conférences, je vais en France, je vais aux États-Unis, je vais en Afrique et je vais ouvrir mon grand temple comme le projet l'avait prévu au Gabon. Ok? Une fois ceci est fait, nous avons donc créé une entité. Voilà comment ça se passe. Les gens vont s'intéresser. Il y aura des centaines de personnes qui vont rentrer. Il y aura des millions de gens. Bon, votre humble serviteur, les gens vont l'appeler maître. Certes, j'accepte humblement, mais je dis non, je ne suis qu'un serviteur. Nzamba Kana s'exprime à travers moi pour faire sortir ce projet, pour libérer le peuple africain de l'esclavagisme intellectuel, de l'esclavagisme spirituel et de l'esclavagisme religieux, de la décolonisation absolue. Car nous avons été victimes de la colonisation politique, économique, spirituelle, religieuse, nous avons été colonisés dans tous les plans, même dans la manière de parler, même dans la manière de manger, même dans la manière de s'habiller. Atenza, on va où? Voilà, c'est ça dont je parle. Donc, si nous créons cette entité, à travers ce que je viens de développer, si ceci voit le jour, alors, nous avons créé un égrégore. Parce que cet égrégore, c'est un ensemble d'individus autour d'un leader qui pourrait être moi, ou Mama Ida, ou je ne sais trop qui, Au cours de ce leader, autour donc de ce type-là, il y a le rite initiatique qui est établi, il y a des mots de passe que je vais vous parler, que je vais pouvoir partager avec vous, et puis il y a des livres que je vais vous conseiller de lire en dehors de mes propres livres, des conférences, des audios, ainsi de suite. Je ferai des prêches, je vais faire des machins. Voilà! Voilà comment ça se passe. Donc là, nous avons créé notre entité. Une entité qui va être basée sur le pluralisme idéologique, qui va être basée sur l'acceptation et le rejet. C'est ce que je dirais, si vous n'êtes pas d'accord, vous rejetez. Et on passe dans un débat contradictoire. Et c'est comme ça l'homme évolue dans la vie. Vous vous rendez compte? Merci beaucoup à Yannick, merci de me soutenir dans cette idée. Mais je vous dis, depuis 3 ans j'en parlais, voilà, le type là qui commande le Gabon, pardon, on ne parle pas politique ici, il a sorti un truc là qu'on appelle mouvement, grand groupe, groupe de tradition, machin, machin, et c'est même lui qui s'est autoproclamé président de ça. C'est un projet que moi je parlais, je murmurais, mais comme dans mon ancien truc là, il y avait des PDG, oh! Ils disent non. Monsieur Onouvi a dit, hein, à ça, il veut créer un grand temple universel, donc où il va réunir toutes ces histoires-là, de toutes les religions, et puis, bon, bref. Ah bon, bon, merci, merci, oh, merci. Alors, je vais pouvoir conclure vite ici, là, parce que là, le temps passe, et puis je vais répondre aux questions, là. Donc, je vous en prie, la religion est la fondation, la religion, c'est la création de l'homme. Simple et clair. Ne soyez pas esclaves de ces religions, ne soyez pas esclaves des sectes. Soyez libres. Maintenant, je ne vous ai pas parlé du danger. Le danger, quand vous adhérez dans ces histoires-là, votre âme a des comptes à rendre. Après votre transition, c'est-à-dire que quand vous allez mourir, voilà le danger, oh, ouvrez bien les oreilles. Tous ceux qui sont témoins de Jéhovah, tous ceux qui sont catholiques, quoi, je ne sais quelle religion, bon, puisque vous adhérez à ces religions-là, puisque vous adhérez à leurs croyances, le jour où vous allez mourir, demandez-moi là où vous irez. Mais c'est votre entité, là, qui va finalement, les vérités qu'on vous dit dans vos religions là, puisque tout mensonge répétitif devient une vérité et dans la réalité psychologique, c'est une manipulation. Or, la manipulation psychologique par des mouvements, par des messages répétitifs va surexciter votre subconscient, lequel subconscient est très sensible à des messages qui soient vrais ou faux, mais va toujours obéir à la loi universelle. Donc, par conséquent, tout ce que les gens vont vous dire, même si c'est faux, mais ça devient une vérité. C'est le cas, par exemple, de l'enfer qui brûle. On a dit aux gens que non, on vous brûle. Quand tu vas mourir, tu vas brûler. Mais ça fait plus de bientôt 2000 ans que les catholiques ont prêché ça. Et même certaines religions protestantes et autres, ils ne se sont pas écartés. Mais ils font croire aux gens qu'il y a un enfer qui brûle. Mais quand vous vérifiez la Bible, le Sheol, ça n'a rien à voir. Jésus lui-même était au Sheol pendant 3 jours. Allez-y savoir, donc on est allé le brûler. Tu vois? Job. Dans ses souffrances, il dit « Oh, je préfère aller au Sheol. » Mais quand même, Job, c'était un homme très bien. Lisez l'histoire de l'homme là qu'on appelle Job. Un homme intègre. Celui qui avait mis en question l'intégrité de l'homme vis-à-vis de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Job là où Dieu était, Satan, le diable, est allé. Il vient en retard de la réunion pendant que Papa Nzambé est à la réunion avec les autres. Mais toi, tu sors. Ah, j'étais en train de me balader ça et là sur la terre là. J'ai vu qu'il y a un homme là qu'on appelle Job. Hein. Toi, tu peux, il te soutient là, c'est parce que toi, tu lui donnes des biens. Ah, Dieu a dit « Ah bon, bon, comme c'est comme ça, allez, moi je vais tout lui arracher. » Bref, la religion, c'est la fabrication de l'homme. La religion ne peut point vous libérer. Et quand vous mourrez, votre âme, je le répète, votre âme est attachée à cette religion. Par conséquent, attachée à ces réalités, les réalités mystifiantes. Je m'explique, si on vous a fait croire qu'après la mort, vous allez aller en enfer, eh bien, quand vous allez mourir, vous verrez effectivement, on va vous montrer ces histoires-là. Mais c'est de l'illusion, mais en réalité, la réalité n'est pas là. Selon vous dit, il faut vous initier. Parce que quand vous vous initiez, vous avez découvert la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà. Même Jésus lui-même, quel enfer il a été. Oh. Job, je vous ai donné un exemple de Job qui était un homme très bon. Abraham, on nous dit, il était descendu jusqu'en enfer. Ah bon, quel enfer. C'est le mot Sheol en grec, Hades en latin. Sheol, je crois en grec, Hades en latin, que les gens ont mal interprété. Bon, ça, Dieu, je remercie, je dis merci aux témoins de Jéhovah parce que c'est un peu eux aussi qui m'ont dit ça. Et puis quand je suis allé à l'université ici de théologie, ils m'ont dit non, l'enfer, ça n'existe pas. Le mot lac de feu, c'est seulement après le règne millénaire. C'est après le règne millénaire, donc pendant que le Christ va régner pendant 1000 ans, lorsque la paix va être rétablie sur terre, et que celui qu'on appelle Lucifer ou l'esprit du mal va être lié pendant 1000 ans. Mais c'est après ça qu'on parlera du lac de feu. hein, ou le fameux enfer, mais ce n'est pas un feu qui va brûler, torturer les âmes des gens. Donc, bref, quand vous allez mourir, si vous êtes membre de ces religions-là, rassurez-vous que votre âme ne sera pas libre. Vous allez être attaqué par les esprits de cette entité après votre mort. Dieu ne vous a pas demandé d'être esclave d'une religion. Dieu vous a créé libre. Adam, allez-y me dire le nom de la religion qu'Adam avait. Aucune. La religion qui vient du mot religare veut dire chercher à se relier à. Fabrication pure et simple de l'homme, moyen par lequel l'homme chercha à se relier à Dieu. Incapable de guider sa propre vie, très intelligent, l'homme alors trouva un moyen de fonder la religion. Et d'autres plus malins en ont fait au 3e siècle, plutôt au 4e siècle, en l'an 325, lors du grand conseil de Nice, de Nicée, sous les grands empereurs romains, ils en ont fait une religion d'État. Allez-y savoir ce que ça veut dire, religion d'État. Donc c'est de contrôler tous les pays du monde. Et allez-y savoir, lisez l'histoire, oh, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes des intellectuels, des professeurs agrégés, si je raconte du mensonge. Du 4e siècle jusqu'au 16e siècle, que se passait-il en Europe? Mais c'était la domination romaine. Et la domination romaine est passée comment? Mais c'était un pape. C'est un pape qui allait de temps en temps introniser des rois, avec la complicité des prêtres qu'on appelle les cardinaux. Donc dans chaque département des pays d'Europe, il y avait des cardinaux qui étaient des grands espions dans ces différents pays-là. Allez-y me dire le contraire. En Angleterre, on n'en parle plus, le roi Henri. En France, Charlemagne et bien d'autres qui sont allés en Égypte. Pourquoi ils sont allés en Égypte? C'est parce qu'ils ont senti une menace des Romains qui ont dominé le monde. Et les Romains ont dominé le monde, c'est une religion d'État. Aujourd'hui, les plus grandes écoles universelles, les plus puissantes au monde, ce sont les écoles catholiques. Ne me dites pas le contraire. Harvard, que vous voyez Harvard là, les catholiques ont investi dedans. La plupart des grandes universités ici aux États-Unis, ce sont des catholiques qui sont derrière. Moi-même, votre humble serviteur, sauf le temps que j'ai passé au lycée technique. Mais je suis passé par une école catholique. Ça, il faut l'avouer, je leur donne vraiment crédit. Ils donnent une très bonne éducation. Mais, sachez-le, c'est la religion d'État. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est une religion d'État. C'est des espions. Quand vous êtes catholique ou protestant, vous allez confesser là dans la chambre secrète avec le prêtre. Oh, pardon, papa. J'ai touché les seins de maman Ida, j'ai commis l'adultère. Ah bon, oui, bon, c'est pas grave. Madame Ida, oui, oui. Ah, c'est la femme de monsieur Méviane, oui. Ok, oh, mon fils, tu es pardonné. Entends le même prêtre, va appeler monsieur Méviane. Oh, ah, Méviane, oh, hey, j'ai écouté quelque chose de bizarre ici. C'est quoi? Mais monsieur Matata, hein? Monsieur Matata a couché avec ta femme. Ah bon? Ah mais oui, ça s'est passé, il dit qu'ils l'ont fait pendant 3 mois. Oh, Matanzam, Méviane se pique une colère. Et Méviane va à la maison. Ah, chérie, oh, maman Ida, oh, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe quoi? Chérie, c'est quoi encore? On t'a encore bourré l'esprit de quoi? Ah mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est quoi? Mais moi, on m'a dit, on t'a dit qui? Tu vas me dire. Et c'est comme ça les gens ont perdu confiance aux prêtres. Parce que depuis le 4e siècle jusqu'à nos jours, c'était des espions et ce sont des espions. Ce sont eux qui donnent des informations. Et puis, peut-être faire la confession. Si vous lisez la Bible ne dit nulle part qu'il faut aller confesser vos péchés auprès du prêtre ou bien du pasteur. C'est faux! Allez-y me dire le contraire. Montrez-moi le verset biblique. Voilà, ce sont des secrets, comme quelqu'un venait faire l'observation là. Mais bien sûr, le Vatican, c'est la troisième puissance du monde, non? En lutte avec Israël. C'est pas pour rien. Le septième sous-sol, quand les gens passent, je leur dis, le septième sous-sol du Vatican cache des secrets de toutes les vieilles Bibles là qu'on avait extraites là. Je vous parle de livres de Melchisedec, les livres de comment on appelle encore, Enoch, les évangiles des frères et des sœurs de Jésus. On dit, oh, je suis fou. Mais c'est là-bas, ils ont caché ça. Je vous en prie, rassurez-vous que, comprenez bien que quand vous mourrez, votre âme est attachée à ces choses-là si vous ne vous en défaites, si vous ne décidez pas de vous en débarrasser dès maintenant. Et dès maintenant, nous vivons dans un monde du 21e siècle. Le 21e siècle, c'est le siècle, pour ne pas dire l'ère du Verseau. Or, l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. de la libération du peuple sur terre. Que ce soit noir, blanc, jaune, chocolat, tous les peuples de la terre se libèrent. L'Inde, qui jadis, il y a 50 ans, était derrière, devient maintenant l'une des grandes puissances et fait partie du 21G, le groupe G, de pays, les groupes de riches. Vous vous rendez compte? Et nous, l'Afrique, rien, on ne décolle pas. Nous, l'Afrique, on continue toujours à dire, Dieu va venir, Jésus va venir. Mais qu'est-ce qui nous arrive, mon Dieu, peuple africain? Qu'est-ce qui nous arrive? Laissez Dieu tranquille. Dieu a déjà créé, il s'est reposé le septième jour. Mais le septième jour, il a permis à l'homme de se développer et de devenir comme lui. C'est-à-dire, voilà, vivre en paix, vivre dans le bonheur, dans l'harmonie, la joie, l'éternité. On découvre des médicaments qui peuvent vous faire vivre jusqu'à 150 ans. Et qui sait, 50 ans plus tard, on va découvrir des médicaments qui vont nous faire vivre jusqu'à 1000 ans. Comme ça se passe à la planète Vénus 4 là-bas, où nos frères là-bas, eux, ils s'injectent. Tous les 1000 ans, ils s'injectent. Voilà, c'est ça que Dieu Tanzambakana nous a donné. Mais vous, Dieu. Mais allez-y savoir la crise qui se passe en Afrique. Et particulièrement mon pays d'origine, le Gabon. Hein? Les églises ont crié tous les jours, Oh Dieu, c'est pas grave. Dieu s'en occupera. Quel Dieu qui va s'en occuper? C'est de l'illusion. Dieu ne vous a pas dit que il faut faire que tout doit venir de lui. Mais tout vient de nous-mêmes. Il faut se battre dans la vie. Il faut apprendre, et un diplôme, et des relations. Apprends, mais la paresse intellectuelle, la paresse physique, la paresse spirituelle, fait en sorte qu'on soit embrigadé dans ces histoires-là. Moi, je connais beaucoup d'amis qui sont arrivés ici, ils sont maintenant des pasteurs, autoproclamés. Tout le temps, ils me sollicitent. Oh, mais monsieur Nouvier, on a appris que vous étiez dans telle université-là, vous êtes diplômé, machin, j'ai besoin. Mais comme à votre église, là, vous alliez là, mais l'église-là est tombée, hein, il faut revenir, papa. Ah bon, hein? Mais c'est tombé parce que vous avez pris avantage de mon charisme. Vous avez pris avantage de connaissances et de mon influence spirituelle et autres. Voilà le problème. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être des greffes. Arrêtez d'être des logiciels pour ces sectes. Arrêtez d'être des esclaves dans ces sectes. Arrêtez d'être embrigadés. Oui, c'est ça l'esclavagisme intellectuel. C'est ça l'esclavagisme spirituel. Ça passe par les sectes. Ça passe par les sociétés secrètes. Et là, au passage, les loges maçonniques, c'est pareil. Moi, je vous ai fait un témoignage, ça, la loge même, ce machin-là, à moins de 3 mois, je crois, c'est parti jusqu'à 15 000 views, mais parce que les gens se réveillent. Là où je parle des loges, comment Ali Bo, même Albert Bernard Bongo a fondé sa loge, ou les loges maçonniques. En un mot, comment ces histoires-là fonctionnent? J'ai parlé de ça parce que j'étais là-dedans. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Yes, I'm a free man indeed. Ces religions-là vont profiter de vous vider. Elles vont vous vider vos poches. Elles vont vous vider vos économies. Elles vont diviser vos familles. Le type, il va là-bas à l'église, il couche votre femme et crée les dissensions. La femme, puis vous les femmes aussi, comme vous parlez trop, oh mon mari, ça découche. Des fois, le pauvre, il dit la vérité que non, je suis au travail. Mais rien. Oh, le pasteur va dire, oh, c'est faux. Il va, moi, je vois, le Seigneur me montre. Il dit, il va faire les heures supplémentaires. C'est faux, il ne fait pas des heures supplémentaires. Il est chez une autre nana, il est chez une copine. Oh, laisse-moi ça, maman. Vraiment, tu vas te faire abuser pour rien. Mais pasteur, qu'est-ce que je fais? Et comme les femmes sont émotionnelles, viens ici, maman, viens ici. Hein? Alors, il profite de toucher les seins de maman. Il va mettre la main en bas. Oh, mais pasteur, c'est comment? Oh, mais ma fille, c'est la bénédiction que je te donne. C'est ça. C'est le pouvoir. Hein? Comme il fait ça dehors. Mais il faut que je rende l'équilibre en toi. Je mets la main, on fait, et puis c'est terminé. Tu n'auras plus de soucis. L'Esprit de Dieu va agir là-bas en bas. Mais moi, je n'invente rien. C'est des histoires qu'on voit et qu'on vit. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Retenez bien ce verset de la Bible. Que tout ce qui n'est pas bon, rejetez. Tout ce qui vous convient, gardez. Votre humble serviteur vient ici. Tout ce qu'il vous dit, si vous pensez que c'est faux, réfutez. Mais si vous pensez que c'est vrai, acceptez. Moi, je ne viens pas parler de conneries. Je parle des choses. J'ai 55 ans d'âge, bientôt 56 ans, le 6 juin. Dans quelques jours, là, le 6 juin, 56 ans. J'ai eu beaucoup d'expérience dans ce monde du mysticisme et de la spiritualité. Je vous dis la vérité. Je suis passé par tout. Je ne vais pas continuer à répéter ça tout le temps. Donc, profitez-en de cette ère du Verseau. Aidez-moi pour que ce projet-là, de manière indirecte, j'en ai parlé là, sur le phénomène égrégorique. une véritable égrégore. Ce n'est pas mauvais de faire partie d'un groupe, mais il faudrait que ce groupe soit positif. Il faudrait que ce groupe aide le peuple à s'élever, voyez-vous, à se développer, à devenir quelqu'un dans la vie, à ne pas avoir des contradictions, à ne plus avoir trop de questions. Vous devez rentrer dans un groupe où vous ne vous posez plus de questions. Vous devez rentrer dans un groupe où on ne vous impose plus le dogme, on vous impose plus de doctrine. Vous devez rentrer dans un groupe où on ne vous dicte pas la conduite à tenir. Oh non, il ne faut pas faire ceci. Oh non. Même le pauvre verset, la Bible pourtant dit autre chose. Oh non, on va torpiller ça. On va torpiller ça pour son propre entendement ou sa compréhension. Non. Vous êtes des êtres libres. Libre indeed. Free indeed. Ok? Donc le libre arbitre que Nzamba Kana nous a donné nous permet de se retrouver autour du feu. Comme nous sommes là, en train d'apprendre les mystères de la vie. Or, ces mystères de la vie, ce n'est pas dans les religions où on vous apprendra ça. Initiez-vous! Et je le répète, initiez-vous. Quelle que soit l'obédience, tant que ça vous apportera l'éveil de votre conscience, tant que ça vous amènera l'éveil de votre esprit, tant que ça vous apportera quelque chose de positif, et surtout la paix. Voilà, c'est ce que nous voulons, la paix. Avez-vous la paix dans votre vie depuis que vous êtes dans cette religion? Avez-vous la paix, hein, la vraie paix, où vous n'êtes pas torturé? Oh, il n'y a pas des histoires, on a dit, on a fait, ceci. Et il n'y a pas des histoires, oh mon Dieu, mon compte, le prêtre vient encore m'embêter, le pasteur vient encore me forcer de donner l'argent. Est-ce que vous avez cette paix ou vous n'avez pas tous ces soucis-là? Si la réponse est oui, restez là où vous êtes. Parce que, après tout, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Car tout initié qui vous dira le contraire est un menteur. Ce n'est pas dans les cris, ce n'est pas dans les simulacres que vous retrouverez la paix. La paix est le résultat d'une harmonie individuelle et universelle. Une fois l'esprit de Nzamba Kana s'est universalisé en vous par une transmutation mystique et spirituelle et de l'éveil de votre conscience cosmique, dès lors que, et vous, Nzamba Kana, vous devenez un, comme cela fut au début, car Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. L'homme fut créé et l'homme devint une âme vivante. Ainsi, l'homme le lui rendit, comme le disait un philosophe. Or, comment l'homme le rendit à Dieu? Mais c'est par la prise de conscience. Or, cette prise de conscience, elle passe par une initiation. Une initiation, c'est le commencement de comprendre les mystères de la vie. C'est le commencement d'apprendre tous les phénomènes naturels et surnaturels. C'est de comprendre à travers les quatre éléments de la vie. Le feu, qu'est-ce que c'est le feu? Qu'est-ce qui se cache derrière le feu? L'air, qu'est-ce que c'est l'air? Qu'est-ce qui se cache derrière l'air? Quels sont les esprits de l'air? Quelle est la force? Hein? La terre, qu'est-ce que c'est la terre? Quels sont les éléments de la terre? Et l'eau, et tout ça. Et ensuite, de comprendre les cinq, et de comprendre, de connaître les cinq règnes universels. Il y a d'abord le règne minéral. Il y a le règne végétal. Il y a le règne humain. Il y a le règne animal et il y a le règne divin. Voilà, tous ces règnes-là, vous devez comprendre leur fonctionnalité et l'interférence. Et surtout, des relations tout à fait possibles, paisibles, en harmonie, sans incidence. Comment fonctionnent les étoiles dans l'univers et tout ce qui se passe autour de nous. Comment nous, en tant qu'humains, on peut réussir à nous harmoniser les uns les autres. Comment nous devons vivre dans l'amour universel. Voilà, c'est ce que Nzamba Kana veut de nous. Mais les religions vont nous diviser, les sectes vont nous diviser, les sectes vont nous créer des palabres pour rien. Voilà. C'est ça, la résultante. Excusez-moi, j'ai été trop long aujourd'hui. J'en ai terminé pour le moment. Y a-t-il des questions qui nous préoccupent pour que je puisse répondre rapidement en 10 minutes? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà une bonne initiative. Allez-y vous initier au Bouti. Voilà la bonne initiative. Vous ne serez que... Vous ne le regretteriez point. Maintenant, si vous avez des problèmes pour trouver un bon initiateur, contactez-moi. Contactez-moi. Je vous recommanderai quelqu'un de sûr qui va vous amener sur la bonne voie. C'est mon propre grand frère. Hein? Maman Carole est là, elle me suit. Elle le connaît. Il est professeur agrégé. Et il m'a dit non, il n'y a pas de problème mon petit frère, tu peux faire la publicité. Tout le monde le connaît à Libreville, Il enseigne dans les grandes universités, il fait des conférences en France. Et il a une grande maison de plusieurs étages à Libreville où il reçoit les gens pour recevoir leurs initiations. Et à un taux tout à fait raisonnable, parce qu'il ne vit pas de cet argent-là. Il est professeur agrégé, je vous le répète, conférencier. Et je connais aussi d'autres personnes, au moins trois à ma connaissance, des personnes de confiance que je peux vous recommander afin d'aller recevoir votre initiation du Bouti, qui est le commencement de la vie et de la connaissance et de la compréhension des mystères. En dehors de ça, vous serez tout à fait libre de vous initier aussi dans d'autres milieux. Mais n'hésitez pas à me contacter quand vous avez des doutes. Si vous constatez que le milieu dans lequel vous voulez vous initier ne vous apporte pas vraiment ce que vous désirez, dans ce cas, contactez-moi. Mon grand frère, il fait le Bouti du Zumba. C'est le Bouti qui initie les gens. Bon, c'est ça. Les Noirs des Antilles, comment font-ils? Ça, c'est une bonne question. Faut pas que les gens crient au scandale. Oui, il y a Tomori Venga aussi. Au niveau des Antilles, je sais qu'il y a des initiations qui se font. Bon, moi, je suis beaucoup plus familier avec... comment on appelle ça? Ah, vous êtes aux Antilles? Parce que j'ai mon ami qui est ici, Antillais. Il y a le vaudou. Mais quand je parle du vaudou, il faut comprendre que beaucoup de gens ont peur quand on parle du vaudou. Moi-même, j'ai été initié dans le vaudou. Mais il n'existe ni vaudou blanc, ni vaudou noir. Le vaudou est l'une des traditions africaines. Que ce soit en Guadeloupe, que ce soit aux Antilles, le vaudou est beaucoup pratiqué dans ces milieux. Mais malheureusement, beaucoup l'utilisent à des fins maléfiques. Donc, vous pouvez trouver un vrai maître vaudou. Ici, aux États-Unis, j'ai un ami proche, Richard. Il est grand maître initiateur du vaudou. Il vit dans la Louisiane. Et comme vous le savez, la Louisiane, c'est la capitale du vaudou. Hein? Donc, le vaudou, c'est tout comme le Bouti. Dans le Bouti, il y a des gens qui en font pour... pratiquent ça pour faire des choses nuisibles aux autres. Mais la religion, c'est la même chose. Est-ce que le pasteur qui va toucher les fesses de la femme, la Bible autorise de toucher les fesses de la femme? Non. Est-ce que le prêtre qui va pédophiler les gens, hein? Jusqu'à ce que le pape ait sorti un message, un décret en disant que tous les papes qui étaient des pédophiles sont pardonnés. Mais, et pourtant, ils lisent la Bible. Donc, c'est la même chose dans nos sociétés traditionnelles. Le Bouti, je n'ai pas dit qu'il est parfait à 100%. Mais, je prie de rentrer au Gabon. Car si je rentre au Gabon, je ferai tout pour que le Bouti retrouve sa pureté originale. Mais mon grand frère dont je vous donne la référence, oui, il enseigne le vrai Bouti. Il vous prépare sur cette bonne voie. Une fois que vous avez mangé votre bois sacré, ok, c'est votre âme qui va se libérer. C'est votre âme qui verra qui vous êtes, où vous venez, où vous irez. Et les révélations qui vont vous être faites, on vous donnera des indications. Maintenant, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez de ce pouvoir qui sera désormais entre vos mains. C'est ça. Donc, pour vous répondre à votre question, cher frère, qui est en Martinique ou en Guadeloupe, le vaudou est l'une des voies pures, une voie aussi, l'une des voies royales, pour pouvoir accéder au monde spirituel, le monde élevé. Bon, si ça vous fait peur, vous pouvez me contacter. Vous pouvez faire un déplacement en France. Hein. La Guadeloupe à la France, ce n'est pas loin. Ce sont des dom-tom, c'est des pays d'outre-mer. Donc, vous pouvez venir à Libreville. Je voulais dire en France, et prendre rendez-vous avec mon frère, parce qu'il est constamment entre le Gabon et la France. Et on a même des initiateurs à Paris, dans les banlieues parisiennes. Des vrais initiateurs, parce qu'il y a aussi des faux. Quand je dis des faux, c'est-à-dire qu'ils vont vous escroquer. Donc, à cette question, n'ayez point d'inquiétude. Il y a toujours des voies et moyens. Contactez-moi en inbox et je vous donnerai plus de détails. Avez-vous d'autres questions? Non, de rien. Mon propre frère m'a dit qu'il a rencontré Jésus dans un temple Bouti. Mais ce n'est pas faux. Moi, c'est parce que je n'ai pas venu déballer trop de choses ici. Moi, je suis allé jusqu'en Égypte. Ah oui. J'ai vu le fameux pharaon qu'on nous dit qu'il a été envalé dans les eaux et toutes ces histoires-là. C'est des conneries. Oui, il n'y a pas de problème. Je peux vous le balancer. Je vais vous le balancer là. Faites-moi la note sur... comment on appelle? sur YouTube. Et puis, je vais balancer mon numéro, mon compte Facebook. Mais bien sûr, savez-vous que cette affaire-là, qu'il y a un pharaon qui a été défié, comme le dit la Bible là, la Bible que les Romains ont traduite, que le pharaon d'Égypte a été envahi dans les eaux, tout était perdu parce que Moïse serait champion. Vous savez que cette histoire-là, ce n'est pas des histoires vraies, fondées. Et le bois m'a montré cela. Merci beaucoup, Maman Ida, de donner les informations. Merci. Voilà, vous tapez ce nom-là, celui qui m'a posé la question-là, Jean, et puis vous, sur Facebook, vous verrez, ça va apparaître. Mais pourtant, c'est une histoire qui est dans la Bible vraie, hein? C'est comme ça, comme je vous ai dit, le mensonge s'est universalisé après des milliers d'années, et on nous fait croire que non, les pharaons étaient des faiblards, ils ont été tabassés, et ainsi de suite, parce qu'il y a un certain pharaon qui a refusé de se soumettre à la volonté de Moïse. Oh, pardon, ça c'est encore une autre histoire. On va pas parler de ça. Initiez-vous seulement. Vous comprenez beaucoup de mystères. C'est pour revenir sur le frère qui a dit que il a vu Jésus dans le temple. Mais ce n'est pas faux. Je vous le répète que Jésus est une entité. Jésus est un égrégore. Ok? Ce n'est pas un être réel, mais c'est une entité. Tout comme Allah Akbar. C'est une entité. Voyez-vous? Je vous ai parlé du phénomène des égrégores, comment les gens ont créé les religions, les dieux que les hommes créent. Je vous l'ai dit moi-même par expérience, moi j'en fabrique des dieux, moi. Ce qu'on appelle les génies élémentaux. Les génies élémentaux, c'est quoi? Mais ce sont des divinités que je fabrique à base du bois, à base des éléments de la nature. C'est pour ça que je vous parlais des cinq règnes. Et quand je fabrique ce dieu, par exemple, pour vous, l'esprit ou le génie familier, voilà. Le génie familier que je vais fabriquer pour vous, je prends un bois spécifique, et lequel bois je le taille en forme d'un homme ou d'une femme. Et ensuite, à partir de cela, je vais pouvoir prendre les éléments parmi les cinq éléments là, c'est-à-dire les différents règnes. Je prendrai par exemple le règne végétal, donc j'en ai besoin de certaines feuilles. Et certaines de ces feuilles-là, je vais pouvoir les transférer, je vais pouvoir créer un filtre, donc le liquide. Le liquide de cette feuille-là, que je veux mélanger avec quelques éléments du règne minéral. Donc, je vais mélanger ça avec certains minéraux. Et après, il faut également le règne animal. Parce que quand je vais fabriquer ce talisman-là, il me faut une peau de bête. Et sur cette peau de bête, je dois écrire certaines phrases avec de l'encre. Hein? C'est ce qu'on appelle généralement le grimoire. Donc, dans ce grimoire, qui est en fait le grimoire, c'est quoi? Ce sont des messages que j'écris sur la peau des bêtes. Oui, il n'y a pas de problème. C'est une attente, c'est normal. Parce que j'ai mis beaucoup de sécurité là à cause de faux. Il y a des gens comme Ali Bongo qui veut mettre mon ami ou bien Baïngonze Issozen Conte. Bon, je sais que c'est des hackers. C'est beaucoup de PDG, beaucoup de bandes de voyous qui veulent accéder. Pardonnez-moi, c'est pour ça que j'ai mis trop de sécurité dans mon compte Facebook. Mais le moment venu, je vais demander à l'administrateur d'ouvrir et de vous accepter. Ok? Il n'y a pas de problème. Donc, disais-je, c'est ça. C'est ça. Ok? D'autres questions avant qu'on ferme. J'avais vu une église quand je me suis fait initier. Est-ce que c'est vrai ou faux? Mais c'est vrai. Mais ça dépend de quelle église vous parlez là. Est-ce que c'est des humains que vous avez vus ou bien un bâtiment? Maintenant, ce n'est pas une église. Refaites-moi la description de cette église. Je dirais plutôt une cathédrale. Voyez-vous? C'est pour cela qu'il y a une église. Oh mon Dieu, mais on va prendre trop du temps ici. Là, on risque de dormir là. Hein? Moi, je ne veux pas maintenir des gens trop longtemps là. Il y a une église qu'on appelle l'église des Mormons. C'est la seule église au monde qui a le monopole de construire des cathédrales. Et je vous en prie. Bon, les catholiques aussi, ils ont des cathédrales. Par exemple, vous avez la cathédrale Saint-Joseph. Hein? Vous avez la cathédrale Saint-Michel. Vous avez la cathédrale, je ne sais trop qui là. Oh, d'accord, maman, la secrétaire nous a proposé 30 minutes de plus. Ok, on va continuer. Donc, dans ces cathédrales-là, l'église que vous avez rêvée, ce n'est pas une église, c'est une cathédrale. Ok? C'est une cathédrale. Oui, quand vous vous initiez, vous allez arriver. Il n'y a pas de problème, Françoise. Quand vous allez vous initier, quand vous allez, surtout si vous étiez un religieux fervent, moi j'étais un grand religieux fervent. J'ai eu donc l'opportunité de rentrer en communion avec le grand temple universel. En fait, c'était une grande cathédrale. Et dans cette grande cathédrale que j'ai eue en vision, j'ai vu des gens qui étaient habillés comme des musulmans en train de poser la tête par terre. J'ai vu des gens habillés comme des prêtres, des gens de toutes nationalités. Et c'était innombrable, hein, c'était difficile à raconter. La foule était tellement nombreuse. Et au-dessus de la cathédrale, j'avais comme l'impression qu'il y avait une lumière dorée, ainsi de suite. Bon, j'ai essayé de revisionner ça. Quelqu'un m'a dit que ça, c'est le rayonnement christique, le rayonnement du Christ, qui n'a rien à voir avec Jésus, s'il vous plaît. C'est le rayonnement du Christ, donc le Dieu révélé, Nzambakana, c'est sa grande lumière. Alors, l'église que vous avez vue en vous mangeant le bois sacré, oui, c'est une église, mais ce n'est pas une église au terme humain. C'est plutôt une cathédrale. Ça, c'est la grande cathédrale. Donc, voilà pourquoi votre homme serviteur vous parle de la vision et du futur du pays où de tous les Africains, ils devaient avoir cette vision-ci. C'est-à-dire créer un grand temple universel. Ce grand temple universel, c'est quoi? Au Burkina Faso, ils ont réussi. Les chrétiens, les musulmans, les animistes, les témoins de Jéhovah, je ne sais trop qui. Mais mon Dieu, tout se retrouve, hein, certains jours. Quand il y a des problèmes au sein de la communauté, tout se retrouve. C'est le seul pays au monde, pour ne pas dire en Afrique, que j'ai visité, où j'ai vu que tous les religieux, chacun respecte sa religion et ses dogmes, mais quand il s'agit de résoudre les problèmes de la communauté, ils sont tous là. Il n'y a pas de dire, oh non, toi tu es témoin de Jéhovah, moi tu t'acceptes, toi tu es... Non! Et aujourd'hui, allez-y, visitez le Burkina Faso. Allez-y, s'il vous plaît, visitez le Burkina Faso, vous verrez que c'est le pays qui est vraiment uni. Mais regardez le cas du Gabon. Savez-vous que depuis que j'ai abandonné la fête du témoin de Jéhovah, mes propres parents ne peuvent pas me dire bonjour, mes propres parents ne peuvent plus manger avec moi. Et j'en parle des parents, c'est-à-dire les frères de sang. Donc, c'est vous dire vraiment, ces sectes-là nous divisent. Les sectes au Gabon divisent les familles. Les religions divisent les familles. C'est des discours incendiaires. C'est des discours parce que vous ne voulez plus faire partie de... C'est fini, vous êtes diabolique. Bref, le projet de l'église universelle, là, l'église que vous avez vue, c'est ça. C'est la grande cathédrale de Dieu. Parce que le Dieu Nzambakana veut que tout le monde soit sous son contrôle. Quels que soient vos différents religieux. Et je vous dis, Dieu n'a rien à voir avec les religions, hein, ce qui est intéressant. Il aime bien tout ce monde-là, hein, ça lui fait rigoler parfois. La troisième, dernière question que j'ai vue là, Byzance. J'ai vu Byzance dans l'Iboga. Oui, c'est vrai. Je ne peux que confirmer ce que moi-même j'ai expérimenté. Voilà. Donc, nous devons nous tous nous entendre à l'intégration. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous devons tous nous intégrer. Nous devons intégrer ce système universel de la création entière sous le contrôle d'un esprit universel. Le bois sacré, Manu. Oui, la véritable initiation ne se fait pas une seule fois. Il est recommandé d'aller faire une deuxième, voire une troisième, si vous voulez bien. OK? Il n'y a pas de problème, j'ai reçu le message. Pourquoi quand on parle de spiritualité, l'Égypte est toujours citée? C'est normal. Si vous êtes ici aux États-Unis, allez-y dans toutes les universités. On vous dira toujours que l'Égypte, c'est le berceau de l'histoire de l'humanité. Donc, en un mot, l'Afrique, c'est l'histoire du berceau de l'humanité. L'Égypte est le berceau de l'humanité et de la spiritualité. L'Égypte fut le premier grand carrefour mondial de la spiritualité. L'Égypte, c'est là où les 12 fils du Dieu suprême, transférés depuis le monde d'antan, hein, qui avait été détruit par les grands déluges, ont été transférés vers l'Égypte. Et parmi ces fils-là, je vous cite tous les noms. Il y a eu Osiris, Isis, Seth, Anubis, l'initiateur, Seth, celui qui fut finalement diabolisé, appelé le diable, parce qu'il voulait, celui qui a même contribué à la mort de son frère Osiris, le découpant en 12 morceaux, dont il y avait un morceau qui manquait, qui était le sexe de type que ma maman a fabriqué elle-même. Hein? Mais que le fils Horus, devenu finalement par trafic, on a trafiqué en Jésus, c'est Horus qui va venger son papa en faisant la guerre à Seth. Donc, toute l'histoire de la spiritualité du monde, oui, prend son centre depuis l'Égypte. Et ensuite, pour votre information, l'Égypte fut le premier empire mondial. Allez-y lire n'importe quel document du monde. Moi, je n'ai pas googlé ça, je n'ai pas... Non, moi, c'est des révélations spirituelles et historiques que j'ai reçu par mon initiation directe dont je porte cette croix, j'ai reçu l'initiation d'Osiris et d'Isis. Donc, l'Égypte, même quand vous lisez la Bible, les premières tribulations de la race noire sur terre, ça a commencé où? Les premières tribulations de l'histoire de l'homme, c'est en Égypte. Donc, l'Égypte est la première puissance mondiale. Après l'Égypte, il y a eu d'autres. Voilà, la batterie est en train de me quitter là encore. Ah, attends, parce qu'on a dépassé le temps. I'm sorry, the battery is dying now. Pardonnez-moi, hein, c'était la batterie qui était en train de lâcher. Voilà. Donc, je disais que... Donc, je disais que l'Égypte est le centre de tout. Hein? C'est de l'Égypte où tout le savoir et toute la connaissance universelle a été diffusée. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, hein, partant de l'Égypte dans la zone, quand les Arabes sont arrivés, et quand les Romains sont arrivés, et ensuite les Grecs. Hein? Vous connaissez l'histoire que je vous ai racontée la dernière fois, qui est vérifiable. Hein? Ce n'est pas une histoire que j'invente. Donc, quand les Grecs sont arrivés, et puis bon, voilà, ils ont fait de l'Égypte le grand centre mondial de spiritualité. Et c'est de là où beaucoup des textes égyptiens, de nos initiations, de nos religions traditionnelles, ont été pour la plupart traduits en grec, hein, et en latin, bon, du latin au grec. Et du grec, nous avons connu hein, quelques-uns seulement qui ont été traduits en français et en anglais. Donc en réalité, les Grecs étaient les grands détenteurs de ce savoir-là, parce qu'ils étaient les premiers à coloniser cette zone-là. Et ils ont mis le premier pharaon blanc. Ça, je vous en parle dans une autre vidéo, là. Le premier pharaon blanc. Et donc, c'est une histoire triste, mais malheureusement, c'est la réalité. D'autres questions? Bon, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Je me ferai le plaisir, donc, de conclure. Je conclurai comme ceci. C'est séparé, divorcé, se dissocier. Ce sont des moments très difficiles dans la vie. Il n'est pas facile de se dissocier, il n'est pas facile de se séparer, il n'est pas facile de divorcer, il n'est pas facile de s'excommunier. Car votre âme, votre esprit et votre corps étaient attachés à cette société, je vous ai partagé mon témoignage, à cette société, à cette religion, à cette secte, ou à cette société secrète, ou à ce milieu mystique. Par conséquent, il serait très sage de réfléchir, avance. Mais aujourd'hui, c'est que nous avons appris, que nous tous, moi-même, je suis passé par cela. Et ce qui m'a poussé de venir parler de ceci, c'est parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de lutter en ce moment. Ils sont en train de passer des moments difficiles. Bon, veuillez me pardonner. On a été déconnecté, mais malheureusement, on est obligé de se quitter là. Et on aura la suite plus tard, hein, parce que la batterie a lâché là. Merci beaucoup encore et soyez bénis. Bonne soirée.